couple, c'est justement ceux qui ne sont pas Charlie qu'il faut repérer. Il faudra avoir son certificat de vaccination comme un laissez-passer pour être dans la société. Le président s'est prononcé pour un isolement contraint des malades du Covid. Contraint, on l'écoute. Je souhaite que le gouvernement et le Parlement prévoient les conditions pour s'assurer de l'isolement des personnes contaminées, y compris de manière plus contraignante. On peut imaginer que chaque individu accepte volontairement ou sans le savoir une puce en lui qui contiendrait toute une série d'informations sur lui. Tout d'un coup, on veut republier les textes antisémites de Céline. C'est un scandale. On est là encore. Alors qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez nous tuer? Ben dites-le plutôt clairement. Disons le mot, vous avez été antisémite. Exactement, dans la mesure où je supposais les sémites nous pousser dans la guerre. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 8, épisode 5. Je procède au rappel traditionnel de notre émission. Si vous souhaitez nous écrire, faites-le à notre adresse email dempart@dnmx.org. dempart@dnmx.org. DNMX est un système d'email qui fonctionne sur le réseau Tor. Si vous le souhaitez, vous pouvez y créer aussi votre propre adresse email, ce qui garantit, auquel cas, si vous souhaitez nous écrire, une plus grande sécurité dans les échanges, puisque ce sera dans le même écosystème, en quelque sorte. Donc, avis à ceux qui sont intéressés. Europe Écologie Les Brins, le forum, vous êtes invités à vous y inscrire. Il y a un temps de latence pour ceux qui peuvent avoir des problèmes à cause du filtre anti-spam. Pour s'inscrire, envoyez-nous un message, ça peut durer un peu, mais les inscriptions sont quand même faites. Donc même si vous êtes inscrit il y a quelques semaines, ça n'a pas fonctionné, votre compte a probablement été activé entre-temps. Donc n'hésitez pas à vous reconnecter de temps en temps. Nouvelle adresse du site en clair, donc en France, puisque les fournisseurs d'accès à Internet bloquent le site en France, comme vous le savez, dempart.space, S-P-A-C-E, space. On était en point .art avant, encore avant on était en point .website, ça change régulièrement, sous l'effet de la censure bien entendu. Problème qui se règle de lui-même si vous fonctionnez sur VPN, si vous avez un VPN, du coup la censure n'a aucune espèce de prise sur vous, peu importe la censure des FAI, ça c'est une chose, et sinon aussi grâce à Tor, et au navigateur Brave, vous pouvez directement accéder à notre Onion Tor, c'est-à-dire notre adresse Tor. On a un site sur le réseau Tor en permanence disponible, et là, il est incensurable. Donc au moins, c'est simple, c'est clair, c'est précis, c'est la meilleure façon de suivre Démocratie Participative. Si vous prenez ce réflexe, ce n'est que mieux. L'adresse, tout est expliqué de façon sur le site en clair, tout est expliqué sur le côté droit, comment utiliser Brave, se connecter avec l'Onion, Tor pour accéder au site, etc. Une fois que c'est maîtrisé, vraiment c'est très simple, hein, c'est un réflexe à prendre, vous n'avez plus de questions de censure du tout à vous poser. Voilà, donc le message est passé. On continue évidemment d'inscrire le site régulièrement avec des nouveaux noms de domaine en clair, simplement pour ceux qui n'ont pas de VPN ou qui n'ont pas Tor, parce qu'ils ne sont pas versés en informatique, ou puis voilà, pour X raison, ils ne veulent pas se fournir un VPN, mais voilà. Le message est passé. Cette semaine sont avec nous nos participants que l'on connaît. Je commence avec Nogaret, bien sûr. Salut Nogaret, ça va? Salut Gandal, ça va. Je salue aussi tous les auditeurs. Tu as bien raison. Fait son retour parmi nous, Diabolix. Salut Diabolix. Salut à tous, j'espère que tout va bien et que tout le monde se porte au mieux. Bah écoute, on fait aller, encore que j'ai encore attrapé la crève. Je suis abonné cette année, c'est terrible. Pourtant, je ne suis pas vacciné, hein, mais je suis une éponge à virus, quoi. Voilà. Mais ça va, ce qui ne tue pas rend plus fort, hein, comme on dit. Devait aussi être avec nous Jean, mais Jean est cloué au lit. Salut Jean, malgré tout. Prompt rétablissement à toi. Nous allons remercier nos donateurs, comme chaque semaine. Vous le savez, si vous souhaitez soutenir Démocratie Participative, vous pouvez le faire en don, crypto-monnaie, plus spécifiquement par Monero, qui garantit l'anonymat des transactions. Guide explicatif sur l'utilisation de cette crypto-monnaie sur le côté droit du site. Vous pouvez lire notre guide et maîtriser cette technologie en très peu de temps. C'est ce qui nous permet de tenir. Sans les dons de nos lecteurs, auditeurs, on ne peut pas exister. C'est aussi simple que ça. Mais au moins, c'est clair, c'est net. Il n'y a pas de subvention. On n'est pas dépendant des réseaux traditionnels. Et même sur les plateformes habituelles, je veux dire, hein, YouTube et tout ça. Bon, bah, si vous voulez être sur ces plateformes-là, il faut faire des contorsions, il faut aseptiser. Nous, on a fait le choix de ne pas aseptiser du tout, au contraire. Et ça a un coût. Donc oui, on a moins de visibilité que si on était sur YouTube ou que si on était sur les réseaux sociaux traditionnels. Et oui, on ne peut pas monétiser les contenus, donc s'autofinancer de cette manière-là, c'est un fait. Mais c'est un sacrifice qu'on fait pour pouvoir dire ce qu'on a envie de dire, sur le ton qu'on a envie de dire, sur les sujets qu'on a envie de dire, et à propos des gens qui nous semblent devoir être analysés et critiqués. Voilà, au moins c'est clair. Donc c'est vous qui payez, et c'est grâce à ça qu'on a notre liberté. Alors, premier don, cher démocrate, c'est avec plaisir que je vous envoie un Monero. Merci pour vos articles et votre émission. J'essaierai cette année de tenir le rythme d'un Monero par mois. Je voudrais d'ailleurs proposer aux auditeurs qui le peuvent de former avec moi un club des 5 qui regrouperait 5 démocrates promettant de donner chacun un Monero par mois. Ce serait un pas vers la stabilité économique de notre site préféré. Eh bien, j'ai jamais suggéré ça, mais je trouve que c'est, évidemment, vous allez me dire, je prêche pour ma paroisse, mais c'est pas totalement idiot. Parmi les sujets de gloire de l'équipe de DP se trouve, je pense, la chronique de l'éclatement de la Troisième Guerre mondiale. Vous êtes pratiquement les seuls à parler franchement et clairement de ce sujet central. Alors, je pense qu'il précise, alors c'est pas qu'on est les seuls à parler de la guerre en Ukraine, absolument pas, mais il veut dire sous un angle précis, et il développe. Les seuls aussi à relever les similitudes entre l'actualité et le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale. Je me demande si vous avez des prédictions concernant le déroulement du conflit à venir. Pardon d'avance, car toutes ces questions sont impossibles et risquées. Nous dit Tortue, puisque c'est Tortue Têtu qui nous écrit, mais j'allais le préciser à la fin du courrier. Mais si vous avez envie de dire quelque chose sur l'une de ces questions, cela rendra service. Alors, on peut brièvement tenter d'y répondre, mais en sachant que de toute façon, en deuxième partie de l'émission, on va parler abondamment de la dimension, de la guerre en Ukraine, avec les développements qui viennent d'être annoncés cette semaine, des développements assez significatifs. Mais on peut quand même tenter quelques réponses. Donc, première question. Voyez-vous le futur conflit localisé à l'Europe ou bien étendu à la Chine ? Et à l'Asie, quoi. Voilà, ça c'est la première question. Pensez-vous que des armes bactériologiques seront utilisées par les empoisonneurs de puits ? Deuxième question. Croyez-vous qu'ils prendront le risque de faire exploser des armes atomiques ? Troisième question. Imaginez-vous plutôt un conflit intense avec une conclusion en quelques années ou une guerre sans fin d'intensité modérée comme dans 1984 d'Orwell ? Quatrième question. Enfin, les deux précédentes guerres mondiales ont chacune produit, entre autres choses, des fleuves de sang en offrande à Moloch, des montagnes de dettes en offrande à Rothschild, un pas en direction d'un gouvernement mondial, un pas en direction d'Israël. Que pouvons-nous faire concrètement aujourd'hui pour faire dérailler ce train infernal ? Prenez soin de vous et c'est signé Tortue Têtue. Alors, beaucoup de questions. C'est difficile d'être bref en voulant y répondre, mais comme nous sommes contraints au vu du programme, je demanderai à nos participants d'être brefs sur s'ils souhaitent répondre, comme je le serai. Alors, première question, voyez-vous le futur conflit localisé à l'Europe ou étendu à la Chine ? Alors, pour ma part, oui, je pense qu'il sera étendu à l'Asie. Sous quelle forme, comment, c'est difficile encore à dire. On voit bien que Taïwan a l'air de concentrer les tensions éventuelles. Bon, je ne vais pas m'avancer là-dessus, je ne pourrais pas vous dire date ou quoi, mais oui, il est très probable que cela s'étende à l'Asie. Alors, est-ce que ça sera frontal comme ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine? Là aussi, c'est délicat à dire. Ce qu'on peut dire, c'est que quand on écoute les autorités américaines, notamment les hauts gradés de l'armée américaine, il y en a qui font des prévisions datées. Hein. La plus récente date d'il y a 2 ou 3 semaines, où on a un général américain qui a dit que pour lui, la guerre contre la Chine, entre la Chine et les États-Unis, commencera en 2025. Bon, voilà, je peux pas vous dire si c'est précis ou pas, si c'est exact ou pas, mais voilà. Donc, je pense, oui, qu'il y a quand même de forts risques d'extension vers l'Asie, dira-t-on. Sur cette première question, nos auditeurs ont-ils une réponse brève à formuler? Moi, je te rejoins, en fait. Alors, je pense que le conflit européen va effectivement s'étendre, parce que plusieurs pays ne veulent pas lâcher le morceau, notamment la Pologne, hein, pour faire vite. Sur la Chine, alors c'est pareil, je pense que ça va toucher la Chine, sous quel format je ne sais pas trop, puisque faut pas oublier que la Chine a le poids démographique et que ça rien que ça empêche toute invasion concrète avec des soldats, sachant que les soldats à pied, ça reste quand même le nerf de la guerre. On a tendance à l'oublier avec les moyens actuels, mais voilà. Je pense que ça s'étendra effectivement à l'Asie. Sous quelle forme, je dirais, s'il fallait s'avancer, que ce sera sur des théâtres, on va dire, entre les deux pays. Pas directement en Chine, pas directement aux États-Unis, mais dans les petites îles, ce genre de choses. Voilà. Ouais, c'est intéressant. Oui, c'est ce que je voyais dans les analyses militaires formulées par les Américains. En tout cas, jusqu'à présent, leur anticipation, c'est plutôt des conflits amphibies sur des archipels, etc. C'est plutôt comme ça qu'ils verraient le conflit. Donc rien sur le territoire chinois, sauf évidemment à fomenter des révoltes ou ce genre de choses. Mais je veux dire, en tout cas, à ce stade, je n'ai pas vu d'anticipation de débarquement de forces américaines en Chine continentale, par exemple. Donc à ce stade, je n'ai rien vu de tel. Hein. Mais par contre, sur les archipels autour, oui. Diabolix, est-ce que toi, tu as une anticipation par rapport à ça? Est-ce que tu vois le conflit s'étendre vers la Chine? S'étendre vers la Chine, oui et non, en fait. C'est-à-dire que les Chinois sont extrêmement mesurés dans leur politique et dans leur réaction. Maintenant, il faut bien comprendre qu'au niveau européen, nous avons 2 énormes problèmes. Le premier, c'est l'énergie, à savoir le pétrole et le gaz qu'on n'a pas et qu'on va devoir importer des États-Unis. Et au niveau asiatique, je dis bien asiatique, on a un autre problème. À savoir que, prenons un exemple simple, si tu veux une veste de smoke à l'armée, tu te présentes au Quartermaster Supply, tu commandes ta veste de smoke à ta taille, elle est fabriquée soit au Bangladesh, soit au Pakistan. Il n'y a plus de stock, tout est en ligne directe avec un stock zéro. Donc, tout ce qui est équipement militaire, c'est pas maîtrisé par l'Europe. On pourra éventuellement tenir compte des produits américains, mais ça vient par bateau ou par avion, ça prend du temps et les lignes d'approvisionnement logistique sont fragiles. Et on a un autre problème beaucoup plus grave, c'est l'acier. À savoir que pour fabriquer de l'armement et pour fabriquer des obus, des balles, tout ce qu'on veut, il nous faut des métaux, que la majeure partie de nos métaux dépendent de l'économie énergétique et surtout des aciers. Et toutes nos aciéries, je dis bien la totalité de nos aciéries, font partie du groupe Mittal. C'est-à-dire que sans l'accord des Indiens, on ne peut plus utiliser les brevets que nous avions dans les années 80 et dans les années 90. En d'autres termes, on est à poil. D'accord pour cette première question. Pensez-vous que des armes bactériologiques seront utilisées par les empoisonneurs de puits, hein, bon, en gros par les juifs? Si on en croit l'usage du Covid, qui pour moi était une arme bactériologique ou biologique plutôt, c'est évident que c'est tout à fait de l'ordre du possible. Maintenant, ce sont des armes très imprécises, c'est-à-dire que autant le Covid... Il y avait évidemment l'objectif de créer une pandémie mondiale, c'est évident, avec des, des politiques publiques à mettre en place, de contrôle des populations et tout. Donc il y avait, voilà, mais c'était indiscriminé. Militairement, utiliser le bactériologique ou le biologique, c'est évidemment possible. Mais le problème, c'est que ce sont des choses qui sont très, c'est difficile en fait de les contenir. Et surtout, si vous, une fois que vous utilisez ce type d'arme, vous vous exposez à des représailles du même type par l'adversaire. Et évidemment, par rapport à la Deuxième Guerre mondiale, il s'est passé quand même plus de 75 ans, et tous les pays du monde ont considérablement perfectionné les arsenaux à leur disposition. Donc aujourd'hui, on a des choses qui sont terribles à disposition de différents États. Donc, ils ont utilisé le gaz en 14-18, ils ne l'ont pas utilisé en 39-45, alors qu'ils pouvaient en produire beaucoup plus, et du gaz beaucoup plus terrible, et ils ne l'ont pas utilisé parce que les deux camps savaient que ça ne serait pas de nature à changer la donne sur le terrain, c'est-à-dire ça ne permettrait pas à un des deux camps de l'emporter. En revanche, ça infligerait des souffrances terribles aux populations, aux soldats, et ainsi qu'aux civils. Donc voilà, donc c'était ajouter de la souffrance sans parvenir à un avantage décisif. Donc, mais Gandalf, comme tu le soulignes si bien, le principe du bactériologique et du chimique, c'est principalement les civils qui trinquent. Parce que le militaire, lui, il a son masque à gaz, sa tenue NBC, normalement, il est équipé pour. Le problème, c'est que les seules personnes qui n'ont absolument rien, c'est le couillon civil qui, lui, va s'en prendre plein la gueule. C'est pour ça qu'on évite d'utiliser ce genre de choses. Maintenant, sur des conflits qui sont cristallisés en des points extrêmement précis face à des armées qui sont extrêmement pressées par le temps, ça demeure une utilisation possible. Alors, je tiens quand même à rappeler ici que au niveau des empoisonneurs de puits, on en a dans les deux camps. Il semblerait que dans les camps russes, on ait quand même des empoisonneurs de puits qui soient plus réfléchis et moins, comment dire, moins Bernard-Henri Lévy, si tu vois ce que je veux dire. Oui, je vois ce que tu veux dire. Nogaret, vas-y. Non, j'allais ajouter que j'étais d'accord, et le seul cadre aussi que j'ajouterais sur l'utilisation de ce genre d'armes, ce serait pour une petite opération sous faux drapeau pour faire basculer l'opinion, ce genre de choses, quoi. Mais je vois pas par contre de grosses attaques à ce niveau-là. Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec ça, mais c'est ça, c'est pour une provocation. Ceci dit, je rappelle quand même que dans tout bon stock américain, vous pouvez trouver des masques à gaz, vous pouvez trouver des ponchos NRBC, vous pouvez trouver du matériel à des très petits prix, et bon, c'est le genre d'investissement qui vaut quand même le coup. Hein. Ouais, donc ce que je voulais dire, c'est que oui, rationnellement, si on voit ce qui s'est passé entre 14-18 et 39-45, alors que la radicalité du conflit en 39-45 était supérieure à la Première Guerre mondiale, il n'y a pas eu d'utilisation d'armes chimiques, par exemple. Alors qu'ils en avaient davantage, ils maîtrisaient davantage leur utilisation, ils n'ont pas utilisé. Donc il y a eu quand même une espèce de raison qui l'a emporté là-dessus. Mais avec le Covid, on a vu que ça n'a pas été le cas. Donc, alors bien évidemment, ce n'était pas ultra létal, mais ça aurait pu l'être, puisqu'on a vu que ceux qui faisaient les recherches à Wuhan, donc les Américains qui faisaient les recherches à Wuhan, sur les modifications qu'ils faisaient en laboratoire sur ce virus, en fait, ils étaient en train de travailler sur des souches qui pouvaient tuer jusqu'à 30 ou 40%. Enfin, qu'il y avait des taux de létalité de 30 ou 40%. Donc, c'est quand même très, très sérieux, je veux dire, ce sur quoi ils travaillaient, d'accord. Donc, on avait parlé de Ralph Baric, etc. On a souvent mentionné cette personne qui travaillait pour l'armée américaine. Donc, ça a été éventé, ensuite abordé par la grande presse occidentale, très tardivement, 2-3 ans après les faits, mais ça a quand même été abordé. Donc, on a quand même affaire à des gens qui sont dangereux, je veux dire. On a quand même affaire à des gens qui sont dangereux. Maintenant, au bout d'un moment, quand vous avez du 30%, ça devient tellement létal qu'il y a un vrai risque. C'est-à-dire que vous ne savez pas ce qui va se passer. Je veux dire, c'est trop dangereux, si vous voulez, pour ceux qui veulent quand même obtenir certains résultats. Le degré aléatoire du résultat avec l'utilisation de ce type d'arme pose problème. Voilà. Bon, On ne sait pas, on n'est pas devin, mais voilà ce que j'aurais à dire là-dessus. Question suivante, croyez-vous qu'ils prendront le risque de faire exploser des armes atomiques? Pour moi, oui, absolument, en tout cas au niveau tactique. Dans les deux camps, je veux dire. D'accord. Je veux dire, il y a une réelle possibilité parce que ça peut effectivement permettre d'obtenir des avancées sur le terrain. Contrairement à l'arme bactériologique chimique qui est très imprécise, une arme nucléaire tactique peut permettre d'atteindre un objectif sur un champ de bataille. Donc j'imagine parfaitement les Russes vouloir envoyer un message à l'OTAN en Ukraine et frapper nucléairement l'Ukraine, je veux dire. Je dis pas que c'est le scénario qui privilégie, je dis pas que c'est sûr à 100%, mais je pense qu'il y a quand même une très réelle possibilité. Je dirais pas non, mais c'est 1% de possibilité, donc je pense que c'est quand même un risque très significatif aujourd'hui. Ouais. Alors, avec ce que ça pourrait impliquer derrière, hein, je veux dire, mais bon, on en parlera dans la deuxième partie, mais pour moi, oui, l'utilisation d'armes atomiques. Alors, je parle pas d'armes stratégiques d'anéantissement total, hein. Alors, je sais qu'ils ont fait des exercices là-dessus, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut rester longtemps, si on utilise l'arme tactique, est-ce qu'on peut cantonner un affrontement nucléaire au niveau tactique? Alors, quand ils ont fait des simulations dans les années 1980, ils en ont fait aux États-Unis, la réponse était non. C'est-à-dire que très vite, on passait au niveau stratégique. Bon, c'est très difficile parce qu'en fait, tant que ça n'a pas eu lieu en réalité, on ne peut pas vraiment anticiper avec certitude. Mais les modèles qui existent actuellement tentent à prouver que si on recourt aux tactiques, très vite ça déborde sur le stratégique, c'est-à-dire que vous avez effectivement des armes nucléaires qui sont lancées sur les capitales respectives avec l'objectif de l'anéantissement complet de l'adversaire. Bon, c'est très difficile de dire l'échelle, mais je crois que l'utilisation de l'arme atomique, au moins au niveau tactique, est une très réelle possibilité à ce stade, ouais, je pense. Oui. Les autres ? Gandalf, je tiens quand même à rappeler une chose, c'est que depuis le début de l'opération spéciale, Vladimir Poutine et son gouvernement sont d'une clarté absolument limpide. À savoir qu'ils ont prévu tous les coups tordus des Américains et la réponse idoine à leur apporter. Et dans la structure nucléaire russe, il est bien prévu la chose suivante. Tant que vous ne vous attaquez pas au territoire russe, on vous lâche les baskets au niveau du nucléaire. Si vous vous attaquez au territoire russe, là, vous risquez effectivement d'avoir des surprises. Le gros problème que les Américains, les Européens et Kiev ne veulent pas comprendre, c'est que quand tu as un référendum où le peuple a décidé d'adhérer à la Russie, les territoires qui ont été conquis pendant l'opération spéciale sont dorénavant le territoire de la Russie. Ce qui signifie que si demain on commence à s'attaquer à la Crimée, on s'attaque de front au territoire russe. C'est la petite notion qu'ils ont une fâcheuse tendance à oublier dans leur cerveau de malade. Et j'appuierai les propos de Diabolix sur le fait que un peu avant le conflit, déjà Zelensky remettait en cause le mémorandum de Budapest de 1994 qui faisait que les armes nucléaires étaient passées de l'Ukraine à la Russie contre le respect des frontières, etc. Et ils en ont reparlé aujourd'hui. Ça, c'était simplement pour appuyer le point de Diabolix. L'autre chose, c'est que je te rejoins totalement, et je pense à nouveau, ce sera sur des territoires intermédiaires entre les grandes puissances où on verra ce genre d'explosion nucléaire sur les troupes ou ce genre de choses, par exemple. Mais comme tu dis, pas d'anéantissement en vue. Oui, alors il faut comprendre ça, c'est-à-dire que évidemment, on a en tête Hiroshima. Ou alors les essais comme la Tsar Bomba, qui étaient vraiment des essais simplement de démonstration de force en fait par les Russes. Mais il faut comprendre que au bout de quelques années après 1945, on maîtrisait déjà des petites bombes nucléaires qui pouvaient tirer avec des canons. Vous voyez, faut pas s'imaginer quelque chose d'extraordinairement complexe. C'est-à-dire qu'on peut créer des mini bombes nucléaires, si vous voulez. Qui détruisent tout sur un rayon de 500 mètres ou 1 km. Mais ces mini-bombes peuvent être employées ça va pas changer la face du monde. Je veux dire, si vous tirez une bombe nucléaire miniaturisée qui détruit tout sur un rayon de 500 mètres, ça change pas la face du monde. Mais ça envoie un message très puissant à l'adversaire. C'est-à-dire qu'on lui dit, ouais, bon, là, elle détruit tout sur un kilomètre, mais tu sais qu'on peut utiliser quelque chose qui détruit tout sur 50 kilomètres. Donc, en fait, je veux dire, c'est ça, en fait, c'est la question du degré et la question de la nature. Donc, je pense qu'on peut changer de nature en basculant dans le nucléaire, mais en étant sur un petit degré pour commencer. On verra bien de ce qui se passera. Hein, je veux dire, on n'est pas devin. Alors, il y a d'autres questions à suivre. Hein, je suis quand même brièvement les aborder aussi. Donc, imaginez-vous plutôt un conflit intense avec une conclusion en quelques années ou une guerre sans fin d'intensité modérée comme dans 1984 d'Orwell. Alors oui, une guerre intense, bien sûr, mais comment la borner ? Parce que si on borne vraiment, finalement, cette guerre a déjà plus de 100 ans. C'est-à-dire que ça a déjà commencé au début du 20e siècle avec la Première Guerre mondiale. Bon, je sais que c'est un peu tiré par les cheveux pour certains, mais si on se borne vraiment à ce qui se passe actuellement, là aussi, on pourrait dire, mais oui, mais ça a commencé en 2014, voire en 2008, quand l'Ukraine a annoncé son intention d'adhérer à l'OTAN. Donc, vous voyez, ça prend souvent du temps à se mettre en place. Bon, si on s'en tient vraiment au conflit, c'est-à-dire à la partie chaude du conflit, à l'affrontement, quelques années, hein, je pense, enfin, avec l'entrée en jeu de l'OTAN, je pense que c'est quelques années, parce que les moyens de destruction sont considérables aujourd'hui, beaucoup plus considérables que ce qu'il y avait en 39-45, qui étaient déjà des moyens énormes. Oui, on peut partir sur 3 ans, je dirais, 3 ans de guerre, mais alors là, il faut comprendre qu'il y aura énormément de destruction, hein, voilà. Bon, après, si vous écoutez les déclarations les plus officielles des états-majors, l'état-major britannique est probablement un des plus limpides, parce qu'un des plus provocateurs aussi. Eux, ils vous disent, il faut qu'on soit prêt en 2025, et il faut se préparer pour une guerre de 3 ans. Voilà. Donc, ils le disent assez clairement, hein, je veux dire, voilà, c'est une guerre mondiale, en 2025, on intervient, ça va durer 3 ans, et on gagnera, et voilà, donc... Il n'y a pas vraiment de mystère, au fond, quand vous vous intéressez... Alors, on ne trouve pas ça dans la grande presse française, c'est un fait. La grande presse américaine, par exemple, ne s'en fait pas non plus beaucoup l'écho, mais si vous creusez, vous allez trouver des hauts gradés qui ne sont pas du tout des marginaux, mais qui sont dans la machine, qui font des confidences à la presse spécialisée, et on fait, en quelque sorte, on organise un petit peu un bruit de fond, et on dit, voilà, bon, bah, grosso modo, en 2025, c'est là que ça va commencer... Ça va durer à peu près 3-4 ans, il va falloir que on tape là, là et là et là, et ensuite, voilà. Donc, voilà à peu près ce qu'on peut savoir. Donc pour moi, un conflit très intense sur environ 3 à 4 ans, et je pense qu'effectivement, d'ici 2028, on verra un peu plus clair, si nous avons encore la chance d'être vivants. En tout cas, pour les survivants, ils verront un peu plus clair, à moins qu'ils soient dans un hiver atomique, auquel cas, ils verront pas grand-chose. Mais bon, voilà ce que je dirais. Les autres participants, une réponse à formuler à notre auditeur ? Oui, moi, ce serait plus sur comment dire, l'aspect pas idéologique, mais vous allez comprendre. C'est-à-dire que je reviendrai plutôt aux fondamentaux antiques, c'est que la guerre est l'état naturel de l'homme. En fait, nous sommes toujours en guerre, d'autant que, si on en croit les théoriciens du politique, on ne choisit pas vraiment toujours quand nous sommes en guerre. Parfois, c'est l'ennemi qui choisit d'être en guerre avec nous. Donc voilà, pour moi, faut garder ça à l'esprit, c'est-à-dire que on est toujours plus ou moins en guerre avec des périodes de trêve et des périodes, comme tu l'as dit, d'intensité. Voilà, comment ça va se finir ou quoi que ce soit? Moi, je ne saurais pas le dire. Je ne saurais pas m'avancer. Je pense que effectivement, à un moment ou à un autre, il y aura forcément de l'intensité qui sera donnée, au moins d'un camp ou de l'autre, pour essayer de mettre soit un terme au conflit, enfin, pour arriver sur une trêve, soit pour forcer des négociations, pardon. Diabolix, tu vois un conflit intense ? Je suis désolé, les gars, mais je rejoins pas du tout ce qui se dit au niveau de la Grande-Bretagne et des États-Unis. Je vais vous donner mon point de vue. Bon, On a les Polonais qui veulent absolument rentrer dans l'art des Russes. Bon, on se souvient tous de Katyn. Ils ont une dette qu'ils veulent absolument épurer, en oubliant que l'Union soviétique c'est fini et que maintenant c'est la Russie. Donc ça, bon, ça fait partie du fantasme polonais. J'ai longuement fréquenté ces gens-là. Ils ont une psychologie très bizarroïde. Je les laisse joyeusement dans leur délire. Derrière ça, on a les pays lettons qui veulent absolument une revanche. Bon, je rappelle quand même que la Lettonie, l'Estonie et autres, ce sont principalement des producteurs de sprott. C'est la seule chose qu'ils font. Ils pêchent des mini-poissons qu'ils mettent en sauce tomate, c'est la seule chose qu'ils exportent. Ils font un petit peu de tourisme et ça se limite à ça. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ben, nous avons la Moldavie, nous avons la Roumanie, qui sont pas véritablement en phase de vouloir rentrer dans l'art des Russes pour des raisons tout à fait compréhensibles. Il faut savoir que l'armée roumaine représente 1% de la population, avec un matériel qui est un inventaire à la Prévert. Ils ont des chasseurs bombardiers F-16 qu'ils ont acheté d'occasion, de mémoire, je crois que c'est à la Grèce. Quand il y en a un qui vole, il y en a trois qui sont en panne. Le seul matériel un peu moderne qu'ils ont pu récupérer, ça datait joyeusement des opérations en Afghanistan, et ça sert plus souvent au défilé militaire le jour de la fête nationale que pour faire de vraies manœuvres. Et qu'est-ce que nous avons derrière? Ben, nous avons plus grand-chose. L'Autriche ne veut absolument pas se mêler du problème, la Hongrie non plus. Et on a un phénomène européen qui est extrêmement simple. Statistiquement, ça se joue à 2-3% près, hein, de mémoire. 63% des Roumains sont prêts à mourir pour la Roumanie. 22% des Français sont prêts à mourir pour la France. 15% des Belges sont prêts à mourir pour la Belgique. Et 12% des Hollandais sont prêts à mourir pour les Pays-Bas et leur stock de cam. Ça veut dire que si jamais nos petits copains de l'OTAN comptent sur de la mobilisation pour envoyer des troufions au front, ils vont pouvoir ramer sérieusement, les gars, parce qu'il y aura très peu de volontaires pour aller jouer au con. Et en France, bon, bah, 22% sur 68 millions d'individus, c'est quand même assez inquiétant. Donc, partir, mener des opérations. Le côté britannique et le côté américain, on sait que nos petits copains nagent dans le Walt Disney le plus complet. Ils sont persuadés qu'ils vont révolutionner la planète, mais ils vont le faire avec qui? C'est ça le problème. En ce moment, les unités de l'OTAN sont des unités où, pour une unité combattante extrêmement performante, style parachutiste, commando, unité de ligne ou autre très pointure, on a une chiée de logisticiens qui sont des combattants totalement médiocres. Alors, si on doit mettre ça en face de l'armée russe, nous avons des gens qui ont choisi de faire leur service militaire pour avoir une ligne de crédit pour se payer leur maison ou leur appartement. Et de l'autre côté, tu as des soldats russes qui se battent pour l'orthodoxie, pour la Russie et pour le devoir national. La mentalité est pas du tout la même. D'un côté, tu as des mercenaires qui sont payés pour faire le taf, et de l'autre, tu as des gens qui ont une véritable idéologie, à la fois politique ou religieuse. Historiquement parlant, c'est toujours ceux qui ont l'idéologie politique ou religieuse qui gagnent, parce que ça les motive. Ils ont pas peur de mourir. Ils ont pas peur de mourir. Le gars qui lui va se retrouver au front avec 250 000 euros à rembourser pour un clapier dans une barre d'immeuble, lui, quand ça va commencer à taper ferme, il sera le premier à foutre le camp. Mais tu vois une guerre d'intensité élevée ou pas? Comment tu vois ça? C'est court, sur quelques années? Tu vois un truc qui traîne, qui... Une espèce d'Afghanistan Aujourd'hui, ils n'ont aucun moyen de faire une guerre de haute intensité. Absolument aucun. Nous n'avons pas les aciers, nous n'avons pas le matériel. Le matériel OTAN, et j'en sais quelque chose pour y avoir fait mon service militaire, c'est du matériel qui est extrêmement coûteux et extrêmement fragile, contrairement au matériel russe qui est effectivement moins précis, mais qui peut en prendre plein la gueule pour pas un bal. Et le gros problème, et ça il faut quand même bien s'en rendre compte, c'est que tous nos pays sont à l'état de faillite, bordel de Dieu. La Russie n'a pas de dette, nous, oui. D'accord. Je rappelle quand même qu'un État comme la Belgique a une dette de commerce extérieur de mémoire, je crois que c'est 153 milliards d'euros pour 12 millions d'habitants. Faut arrêter les conneries. Oui, c'est vrai. Alors, merci à Tortue Têtue pour son soutien. J'espère qu'on a pu répondre brièvement parce qu'on va continuer à développer ça dans la deuxième partie d'émission, donc on peut pas trop s'attarder, mais qu'on a fait un petit tour de ces questions qui étaient très pertinentes, je dois le dire. Qui appelait des plus longs développements, mais comme je le disais, on va en parler dans la deuxième partie de l'émission. Don numéro 2. Là, c'est Blickpal qui nous écrit. Merci d'avoir approuvé mon compte EELB. Je n'ai malheureusement pas eu le temps de voter pour le sale juif de l'année 2022, mais je rejoins Gandalf sur le choix de Zelensky. C'est vrai, si on devait noter entièrement au mérite, les Larry Fink et Albert Bourla de ce monde pourraient remporter la palme tous les ans, mais il faut en laisser un peu pour les autres. Zelensky, lui, c'était vraiment son année, peut-être simple lieutenant. Il reste le visage de cette troisième guerre mondiale qui est incontestablement l'événement hébraïque de l'année, oui, de la décennie, du siècle, hein, à mon avis. Je pense que le temps tranchera en sa faveur et que dans une quinzaine d'années, on pourra se retourner et dire avec confiance, oui, c'était vraiment lui, le sale juif de l'année 2022. J'ose, hein, de probablement de la décennie, en fait. Au passage, je vous envoie un don de 1 monero pour le mois de janvier. Bonne année. Merci, Blickpal, de ce soutien. Don numéro 3, c'est à la fois un don et un témoignage que je vous lis tout de suite. Salut, merci pour votre intérêt. Alors, je précise ça pour que nos auditeurs le comprennent. En fait, c'est Tursiops Truncatus. J'avais envoyé un petit message à Tursiops. Je lui ai dit, j'aurais bien aimé en savoir un peu plus sur ton parcours. Je me permets de le tutoyer. Et je me disais que ça pouvait être intéressant. Alors, il nous a répondu parce qu'il nous avait dit qu'il n'était pas français, mais qu'il avait réussi en France. Et donc, c'était étonnant puisque c'était un expatrié, mais qui s'était établi en France et qui avait réussi. Et il nous explique pourquoi. Alors, c'est pour ça qu'il nous dit ceci. Merci pour votre intérêt. Alors, je suis espagnol du sud de l'Espagne, d'un endroit où le génocide des Blancs est assez avancé, démographiquement comparable aux grandes villes françaises. Et j'ai grandi là-bas. J'ai grandi en voyant les quartiers devenir décadents. J'ai grandi terrorisé par les marrons, surtout les gitans. Il y a beaucoup de gitans en Espagne, effectivement. J'ai vécu deux chimpouts, donc c'est des chimpanzeries externalisées, hein, comme à Ferguson, donc en fait des émeutes de nègres, hein, provoquées par les Noirs à côté de chez moi. Je me suis fait voler dans la rue. Comme tous les hommes jeunes, aujourd'hui, je souffre aussi à cause du féminisme. Je suis seul. Je ne trouve pas une femme pour créer une famille. Même si j'ai un bon boulot et pas de problème physique particulier. Dire par là, il n'est pas atrophié, il n'est pas, voilà, il est normalement constitué, voilà. Je sais aussi que la parole d'une femme est, il dit, plus valable, donc mieux reçue que la mienne en tant qu'homme devant la justice. Et cela ne donne pas envie d'essayer d'avoir une copine. Donc, sous-entendu, la femme a toujours raison devant un tribunal, donc en cas de problème, si jamais il y a un mariage, ça ne sera pas jugé de manière équitable, il y aura un biais, et du coup ça décourage un petit peu notre ami. Dire ça, c'est être un peu comme le renard et les raisins, mais c'est un véritable risque. Et comme tous les travailleurs jeunes d'aujourd'hui, je me fais exploiter par l'État pour maintenir le système de Ponzi des retraites. La moitié de mon salaire est volée pour payer la retraite des boomers. En général, je me considère comme un homme conscient et éveillé, capable de comprendre ce qu'il y a autour de moi, et j'ai été facilement capable de comprendre que le monde occidental est dans une situation déplorable, ce qui a un impact négatif sur ma vie. Et c'est ce qui est le pire, l'existence de notre civilisation et de notre race qui sont en danger. Et c'est pour ça que je soutiens des projets comme DP, des gens comme donc Gandalf ou Pedro Varela en Espagne, Peut-être luttais-je pas directement pour un monde meilleur, mais je considère que c'est mon devoir d'au moins soutenir économiquement ceux qui font ça. Vous pouvez m'appeler les, vous pouvez les appeler les anti-Soros. Vous pouvez m'appeler l'anti-Soros. Rire. Donc, à nouveau, merci à vous pour votre travail. Bonne journée. Buenas noches. Et donc, c'est Tursiops Truncatus. Donc, je suis content d'avoir un écho de Tursiops qui a enfin éclairé son petit parcours. Donc, en fait, c'est un Espagnol qui a survécu au chaos racial de l'Espagne du Sud, dont moi, j'avais entendu parler. On m'avait dit que c'était vraiment l'Espagne du Sud. On m'avait dit, racialement, c'est fini. On m'a dit, c'est fini. Alors moi, moi je ne savais pas trop, parce que je ne suis pas trop familier du sud de l'Espagne, j'ai jamais été dans le sud de l'Espagne, mais c'était les Espagnols qui disaient ça, c'était pas des Français, hein. C'était les Espagnols qui disaient que le sud de l'Espagne s'était atomisé, terminé. Alors j'ai creusé un peu, et ce qu'il en ressort, c'est que oui, il y a les Gitans, mais il y a les races d'Amérique du Sud, mais des races improbables, il y a les Incas, les Aztèques, enfin des trucs comme ça, hein. Qui ont complètement tout submergé, et apparemment c'est une vraie catastrophe, il y a les Marocains, les Maghrébins, enfin apparemment le sud de l'Espagne c'est vraiment très très très très moche. Bon, je ne suis pas familier, donc je ne vais pas dire de manière catégorique, oui, le sud de l'Espagne est complètement grand remplacé, mais apparemment c'est dans une mauvaise passe, on va dire. Alors des gens font observer que c'est dans une mauvaise passe depuis l'invasion morte depuis le 7e siècle, mais je vous laisse en juger, quoi, hein, voilà. En tout cas, merci à Tursiops. Enfin, don numéro 4, c'est un... avec un commentaire aussi. Salut camarade, je vous fais parvenir un don de 0,58 monero pour mettre dans votre tirelire taillé dans un crâne trouvé en Pologne. J'ai récemment vu une vidéo de Catboy Camille qui m'a interpellé et je trouve que le sujet serait intéressant à discuter. Pour rappel, Catboy Camille est un américain qui est une créature parfaite de 4chan. Nazi, joueur de jeux vidéo, autiste, beau gosse musclé, très cultivé, drôle. Il s'est fait connaître en se déguisant en nègre sur des sites de webcam type chatroulette. Oui, il faisait des blackface pour choquer les goïms et les nègres, ce qui était hilarant. Il sait néanmoins aborder des points historiques, techniques et avoir des raisonnements plus pointus. Pour résumer, il dit que notre camp, c'est-à-dire ce qu'on appelle les red pills, les fachos, s'attaque à la vérité alors que le camp d'en face se fout de la vérité mais cherche le pouvoir. Les juifs menteurs, les régimes communistes sont capables de prendre le pouvoir en se basant sur de formidables mensonges alors que nous, pauvres idiots, se pavane en se vantant d'être dans le vrai, d'incarner la raison, mais on n'obtient aucun résultat. On l'a vu récemment dans l'épisode du Covid, combien de messages issus de notre camp qui clament que des têtes vont tomber avec la révélation de tous les mensonges vaccinatoires. Des milliers. Récemment, on voyait des gens de droite se réjouir que les Américains demandaient les SMS de von der Leyen et du juif Bourla. Ah ah, on va savoir, fini de rire. Là, je pense qu'il fait mention du journal The New York Times, ne riez pas, qui a déposé une... requête à caractère juridique pour obtenir le contenu des SMS de von der Leyen avec Bourla. Donc, si vous voulez, le New York Times, c'est juste les juifs, quoi. Je veux dire, ils demandent les SMS du juif Bourla. Bon, bah, c'est un sketch. Mais il a raison de le pointer. Il a raison. Il a raison. C'est tout à fait bien observé. Et chacun en a fait l'expérience personnelle. On passe une soirée à éduquer un goy sur un sujet controversé. Il dira oui à tous les arguments. Il ne pourra contredire aucun fait. Mais à la fin, incapable de sortir de son logiciel de PNJ, il conclura « Il ne faut pas exagérer non plus, c'était il y a longtemps, je suis pas sûr, oui mais, il y en a des biens, c'est pour notre bien, etc. » Sans parler des parents dont les enfants se font tuer par la diversité, qui trouvent des excuses ou relativisent. Les faits les plus probants, les plus touchants n'arrivent même pas à égratigner le lavage de cerveau républicain. La vérité trébuche. La vérité est une qualité, mais force est de constater que ce n'est pas une finalité pour changer les choses. La vérité est un travail de fond nécessaire, Vincent Reynouard en a fait son but de vie et c'est absolument noble. Mais ce n'est pas cet axe que devrait porter notre mouvement au quotidien. Quand on axe le combat sur la vérité, c'est que l'on axe son discours sur le mensonge de l'opposant, que nous sommes donc dans une posture de réaction. L'ennemi est toujours devant, il agit, nous réagissons. La Bourgogne blanche est un bel exemple de « mensonge » entre guillemets que l'on pourrait et devrait pousser davantage ou promouvoir davantage. C'est une utopie. Le communisme aussi était une utopie, et une utopie qui se concrétise toujours malgré des échecs multiples et cuisants. Pour résumer, il faut faire comprendre qu'avoir raison n'est pas suffisant si l'on veut faire progresser nos idées et mettre à exécution nos projets. En parlant de Vincent Renoir, concernant sa nouvelle boutique, je confirme que ça fonctionne bien, j'ai reçu ma commande en quelques semaines et pu commencer à révisionner sur Oradour sur Clap. Bonne émission et longue vie à DP. Une vie moins longue, je ne vais pas dire qui, mais c'est un fact-checker avec des parties du corps en moins. Suivez mon regard. Alors, donc je salue notre auditeur. Donc je salue Terrel qui nous fait ce courrier. Et comme il parle de Bourgogne blanche en parlant de mensonge, même s'il est mis entre guillemets, je tiens à corriger. Alors je pense que le mot qu'il cherche en fait, parce qu'il parle de vérité en disant voilà, le travail analytique critique est nécessaire pour démonter les mensonges de l'ennemi, est une pratique absolument incontournable, mais il dit ce n'est pas de nature à mobiliser les masses vers un but politique pratique. Et là, il a raison. Mais quand il désigne la Bourgogne blanche et l'idée qui se trouve derrière, même si on n'a pas eu l'opportunité encore de développer ce très beau projet, à mon plus grand regret, compte tenu des circonstances qui nous sont faites depuis 3 ans, en fait, pratiquement, ce n'est pas mensonge. Le thème qu'il cherche, c'est le mot de mythe. C'est ça le terme qu'il cherche. C'est-à-dire qu'un mythe fondateur et mobilisateur. Ce qui est complètement effectivement différent de la réalité purement descriptive et analytique. Donc oui, l'humanité est régie par des mythes. Mais il y a des mythes qui sont des mythes vertueux, c'est-à-dire qui élèvent, et des mythes qui sont des mythes mensongers et qui rabaissent. Et la citation du marxisme est, je trouve, une excellente référence. Puisqu'elle se reporte en fait au mythe de l'égalité, qui est un mythe extraordinairement puissant. Le mythe de l'égalité est extraordinairement puissant parce que finalement, elle donne une porte de sortie à tous les ratés possibles et imaginables. C'est-à-dire que si vous êtes un raté dans la vie, le message égalitariste, qui s'est décliné de 20 façons différentes, il y a le marxisme révolutionnaire, mais il y a des formes beaucoup plus soft, hein, il y a des formes, le socialisme, je veux dire, même Macron, hein, je veux dire, il développe une forme d'égalitarisme mou, voilà, mais c'est quand même ça. On vous explique en fait que si vous êtes un raté, c'est pas de votre fait. C'est qu'il y a quelqu'un qui vous a fait ça. Alors parfois, ça peut être vrai, ou en partie vrai, mais ça déresponsabilise complètement. Et c'est la solution de facilité pour tous les nuls. Vous avez des gens qui méritent totalement ce qui leur arrive, je veux dire. Et la démagogie de gauche consiste à dire à des ratés qui méritent leur sort qu'en fait, ce qui leur arrive n'est pas de leur fait, n'est pas dû à leur manque de talent ou à leur fainéantise. C'est que quelqu'un de mal intentionné leur a fait du mal. Vous voyez ? C'est très efficace. Parce qu'un zéro peut jalouser quelqu'un d'extrêmement talentueux. Et le raté va dire, ah bah oui, mais c'est pas qu'il a du talent, c'est qu'il a eu du réseau, il a eu de la chance, etc. Alors oui, il y a des gens qui ont du réseau et qui sont surexposés alors qu'ils ne le devraient pas. C'est absolument vrai. Mais ce n'est pas une règle éternelle et qui vaut pour tout le monde, pour tous ceux qui réussissent. Voyez, on le voit là avec l'épisode sur les retraites, la focalisation sur certains milliardaires, je veux dire. Alors, je ne suis pas là pour faire l'apologie des milliardaires, je pense qu'il y a toujours quelque chose, il faut toujours juguler, je veux dire, la débauche de richesse chez quelques individus. Je ne pense pas que, je veux dire, quand vous avez des individus qui ont 200 milliards de dollars, par exemple, je ne crois pas que ça soit justifié, franchement. D'accord. Et si vous lui rédisez sa fortune à 3 ou 4 milliards, il n'est pas franchement malheureux. Ok, bon, il y a des choses qui peuvent s'entendre comme ça. Mais ceci étant dit, tout l'argumentaire de la gauche consiste à dire que leur accumulation de richesses est totalement indue, comme si ces gars-là sortaient de nulle part, qui, voilà, on ne sait pas comment, par la vertu du Saint-Esprit, ils ont eu du fric. Non, il y a toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose à l'origine. Ils ont créé un consortium, une entreprise. Il y a quand même eu un coup de génie au départ, vous voyez. C'est pas des gens qui partent de rien, d'accord. Faut pas raconter ça, parce que si c'était vrai, t'aurais des tocards au coin de la rue qui deviendraient milliardaires comme ça, et ça se produit pas, d'accord. Il y a toujours quelque chose de créatif à l'origine. Alors ensuite, l'accumulation, c'est autre chose. Donc, le mythe de l'égalité est puissant. Et c'est vrai qu'il faut d'autres mythes pour mobiliser les masses qui soient de nature à leur proposer une alternative. Ça, c'est vrai. La Bourgogne blanche n'est pas un mensonge. C'est pas un mensonge de dire que l'homme blanc, enfin les blancs qui sont présents sur le territoire français, qui veulent quelque chose de complètement nouveau pour leur propre sang, doivent s'organiser territorialement avec un État nouveau. Et qui va forcément être le résultat d'une fracture territoriale grave qu'on n'aura probablement jamais vue dans l'histoire de France. Je rappelle que la France, c'est pas une entité qui existe de tout temps. Hein. La France, telle qu'on la connaît, a 8 siècles à peu près. Et la France moderne, en tant que nation, a 2 siècles. Donc je sais que les gens ont tendance à utiliser le terme comme France éternelle. Il n'y a jamais rien d'éternel sur cette terre. Donc tout est très changeant. Et on peut se retrouver dans des situations où il faut complètement réinventer notre réalité. Donc là, il faut des mythes mobilisateurs. Ça, c'est un fait. C'est pas des mensonges. C'est pour ça qu'il y a des mythes positifs. Il y a des mythes qui vont activer les réflexes sains dans la population. D'accord ? Et je crois que la différence avec la démagogie de gauche et le mythe égalitaire, c'est que des mythes qui proviennent de nos milieux vont activer dans la psyché des nôtres des forces positives, aristocratiques, basées sur la réalité. Ça peut être notamment une natalité forte, par exemple, donc construire des cellules familiales fortes, c'est un exemple, et toutes les formes d'élitisme d'une manière générale, dans les métiers, dans la pratique des métiers, etc. Donc ça ne me paraît pas être de la démagogie. Au contraire, c'est un encouragement à faire mieux. Alors que l'égalité est un mensonge fondamental et ne peut susciter que des visions du monde viciées, fausses, trompeuses, qui font perdre du temps et qui amènent le pire, au fond. Alors qu'un mythe aristocratique d'élévation qui s'ancre dans la réalité, pas dans l'abstraction, dans la réalité, des réalités biologiques, raciales, les réalités, vraiment, je parlais de la famille, c'est ça, c'est anthropologique aussi, les communautés de village, ce genre de choses, et refaçonner une nouvelle société sur cette base-là, ça c'est mobilisateur, ça c'est positif. Donc c'est pour ça que j'ai bien lu le message là de notre auditeur, même s'il a mis entre parenthèses le mot mensonge, et je voyais bien ce qu'il voulait dire, mais c'est pas un mensonge, c'est pas faux, c'est pas erroné, ça ne mène pas vers la fausseté. D'accord ? Maintenant, le mettre en œuvre, c'est autre chose, d'accord. Il faut un environnement qui soit propice. Je pense que ça se rapproche, mais je pense que c'est pas évident non plus. Et il y a encore beaucoup de gens, et j'en termine, qui, c'est vrai, s'accrochent finalement aux formules politiques qui existent encore du XXe siècle, c'est-à-dire, la structure de l'État français telle qu'elle est constituée aujourd'hui, les structures d'autres États aussi. Ce qui oblige à des contorsions, c'est-à-dire que, par exemple, sur la question raciale, j'ai vu qu'il y a un jeune homme, un homme, bon, il n'est pas vieux, hein, je veux dire, il est dans la force de l'âge, c'est monsieur Verracel, avec le bar communautaire de Lille, le bar identitaire de Lille qui s'appelle La Citadelle, qui est passé chez Hanouna. On a voulu interdire son bar, Martine Aubry a voulu interdire son bar au motif que ça appelait à la haine. Il a organisé une soirée qui s'intitulait « Qu'ils retournent tous en Afrique », reprenant l'interjection du député RN Fournas à l'Assemblée. Et en fait, il n'y avait rien de raciste dans sa soirée, au sens revendiqué du terme. Il pouvait y avoir quelque chose d'implicitement raciste, mais il n'y avait rien de déclarativement raciste. On a interdit sa soirée. La maire a exigé et obtenu la fermeture du bar par le préfet. Je crois qu'il y a un appel, mais peu importe. Et alors, il vient chez Hanouna, il essaie de s'expliquer. Et en fait, au bout d'un moment, les gens disent « Ouais, mais en fait, votre truc, c'est réservé aux Blancs. » Et il est obligé de se contorsionner. « Non, c'est pour tous les patriotes qui aiment la France. » Et avant, le mot « racisme » vous pique les oreilles, mais entre ce que vous faites et le racisme, c'est quoi la différence ? Ah ben il n'y en a pas du tout. Moi, je n'ai jamais été condamné. Je repose la question parce que comme ça, vous pouvez un peu vous expliquer. Entre ce que vous faites, ce que vous soutenez, ce que vous prenez et le racisme, quelle est la différence? Il faut poser les mots. C'est quoi le racisme pour vous? La haine de l'autre. La discrimination et l'hierarchie des races. Comme je le disais, moi je défends à la fois les cultures papoues, les cultures maasai. D'accord. En tant qu'identitaire, je voyage beaucoup, je défends la totalité du pluralisme des cultures. Vous voyez, quand je vais en Afrique, j'ai envie de voir des Africains. Vous voyez, j'ai pas envie de voir, quand je vais à Marrakech, j'ai pas envie de voir une bande de Parisiens ivres et coquets. Vous voyez, j'ai envie de voir des Marocains fiers de leur culture. Et les Maasai, si ça c'est du racisme. Il faut expliquer. Pas qu'ils vous fait coquer. Je suis peut-être le plus anti-raciste de tout ce plateau. Non, mais c'est bien que vous exprimez, c'est important. Est-ce que ça vous pose des problèmes, les synagogues en France, les mosquées en France? Encore une fois, tout est une question de nombre. Le fait qu'il y en ait aujourd'hui 2000, oui, ça me pose un problème. Parce qu'en fait, il y a un changement de population qui s'opère, et ça me pose un problème. Parce que comme le disait Daniel... Non, mais il est dingo, Cyril, il est dingo. Le grand remplaçant, c'est des chiffres. Admettez que ce n'est pas un hasard, malgré tout, que vous soyez dans le viseur du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Vous êtes un des fondateurs du mouvement identitaire qui s'appelle Génération Identitaire, qui a été dissous. Et maintenant, il y a ce bar qui pose également problème, avec cette thématique qui pose également problème. C'est que donc vous êtes un merveilleux rhéteur, parce que là, à chaque fois, vous essayez de nous embrouiller et de jouer avec les lignes, mais vous ne dites pas réellement le fond de votre pensée. Donc vous avez raison, et moi je suis un mythomane. Hein. Non, je dis que vous jouez avec les mots et que vous ne dites pas réellement le fond de votre pensée. Mais qu'est-ce que vous voulez du fond de ma pensée? Je dis que je défends la totalité des cultures du monde. Et c'est le principe de la citadelle. Alors expliquez-nous ce flyer-là, cette citation. Regarde, il y a des migrants là-haut, il y a des blacks. Expliquez, monsieur. Ah, qui retourne en Afrique, c'est la phrase de De Fournes. Hein. C'est-à-dire, il parlait du bateau. C'est un clin d'œil au. Pour moi, les clandestins doivent retourner dans leur pays d'origine. Pas forcément en Afrique d'ailleurs, mais dans leur pays d'origine. Je parle bien des clandestins. Je parle pas des Français d'origine étrangère, qui sont eux, Français. Alors qu'on sait que c'est racialiste. Je jette pas la pierre, mais je veux dire, vous voyez, on est encore dans ce moment où on peut pas être libre, d'accord ? On est sous une dictature anti-blanche, complètement, d'accord ? Les métèques sont au pouvoir, la finance internationale, qui est dirigée par qui vous êtes, est au pouvoir. Leurs médias font la loi, leurs juges font la loi, leurs agents politiques font la loi. Martine Aubry se fait trombiner par des maghrébins, tout le monde le sait. La ville de Lille est une ville occupée par les musulmans. Tout le monde le sait. Bon, quand on est blanc dans des situations comme ça, on essaye de survivre. Donc je comprends ce type d'esquive, vous voyez. Mais ce n'est pas une solution durable. Donc il faut des mythes qui soient de nature à renverser complètement l'ordre établi. Alors des gens vont pouvoir dire, oui, mais la Bourgogne... Bon, très bien, enfin, chacun va ensuite vouloir se mobiliser pour un mythe qui lui appartiendra. Mais je veux dire, il faut des mythes absolument mobilisateurs. Donc c'est pour ça que ce courrier était intéressant, pertinent. Oui, la vérité, la critique analytique des mensonges de l'ennemi est nécessaire. Oui, être dans le vrai est important. Mais oui aussi, sans le mythe, on ne peut rien faire politiquement. Ça, c'est un fait. Voilà ce que je voulais dire. J'ai été un peu long, mais ça me touche particulièrement parce que c'est quelque chose auquel je crois profondément. Donc voilà, j'en ai terminé, autant pour moi, pour cette longueur, mais bon, je voulais répondre quand même. Qui, éventuellement, est-ce que d'autres participants veulent réagir à ça ? Oui, si tu le permets, je voudrais simplement déjà appuyer sur ce que tu as dit, à savoir que je reviens pas sur la question du mythe, tu as très bien développé et de façon précise, mais sur la question de la population, en fait, elle est tenue non pas forcément que par le mensonge, mais aussi par la peur. C'est-à-dire qu'on a quand même un peuple qui, face à nous, fait des lois pour se faire aimer ou au moins interdire de se faire haïr. Par ailleurs, voilà, même si le Catboy Camille vante le pouvoir par rapport à la vérité, bon, il faut savoir que peut-être qu'ils ont le pouvoir, mais justement, plus personne ne les croit. Dès que quelque chose est avancé, c'est constamment remis en cause. Il n'y a qu'à voir les taux de confiance dans la presse, dans les politiciens. Le seul taux de confiance qu'ils pouvaient encore tenir, c'était sur la science, et ça, ils ont réussi à le faire s'écrouler avec la question du Covid, justement. Je pense que si on revoit des sondages maintenant, les gens ont beaucoup moins confiance en la science quand ils ont vu le cirque que ça pouvait être, et je parle même pas d'autres questions sociétales relatives à ça. Donc là où notre auditeur, oui, a effectivement raison, c'est que il faut obliger l'autre à attaquer, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être en réaction, il ne faut pas jouer selon les règles de l'adversaire, mais je rajouterai quelque chose, c'est que il faut aussi en finir avec ce réflexe un petit peu démocratique, c'est-à-dire dire voilà, il faut attirer les masses à nous, à notre vérité, etc. Ça ne marche pas, c'est-à-dire que on aura toujours une masse de gens qui iront avec le courant, ce qui peut être un désavantage, mais ce qui peut être aussi un avantage, puisque le jour où on arrivera à créer une véritable dynamique, on sera nous-mêmes étonnés par le nombre de gens qui viendront dans notre sens. Encore une fois, pour l'instant, il y a une certaine peur, ils attendent de voir ce qui se passe, donc... Je pense que effectivement le centre de tout ça, c'est d'être moteur dans, comme tu le disais Gandalf, la création d'un mythe, dans la création même de d'initiatives locales comme telle, bah voilà, le bar à Lille, même si c'est un non-dit que c'est réservé aux blancs, ça reste intéressant de voir que tout le monde le sait quand même. Et je rajouterais un dernier point, au-delà de la vérité du pouvoir, il y a la question de la violence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit, on nous retire tout moyen de nous battre contre justement le mensonge, les autres idéologies, etc. Donc il faut trouver un moyen détourné pour affronter ces choses-là. Et je pense que voilà, le mythe, comme tu l'as dit, est un moyen fantastique et qui peut justement nous aider dans notre combat. Messieurs, je vous propose d'attaquer l'émission en tant que telle. On avait beaucoup de courriers des lecteurs, hein, donc, puis des bonnes questions en plus. Donc, ça méritait d'être abordé. Alors là, bah, rubrique numéro 1, bah, démocratie participative. Alors autant pour moi, autant pour nous. Autant pour les participants d'Europe Écologie Les Brins, mais vous défrayez la chronique, chers amis, c'est un fait. Le forum attire l'attention, hein, au plus haut niveau. Le journal Libération s'est fendu d'un article acerbe contre le forum et ses participants. Je vous lis ça tout de suite. Raphaël Glucksmann, Volodymyr Zelensky, Bernard-Henri Lévy, Patrick Cohen, Agnès Buzyn, Jacques Attali... Sur un forum nazi particulièrement ordurier et actif, les utilisateurs sont appelés à voter pour le SAD juif de l'année 2022, un défouloir pour les antisémites obsessionnels qui peuplent ce site lancé en 2020 et où près de 4000 membres inscrits ont posté un total de 390 000 messages qui sont tous de la même veine, nauséabonde et haineuse. Bienvenue sur EELB.SU pour Europe Écologie Les Brins, détournement de EELV, Europe Écologie Les Verts, tout autant que programme politique. L'Europe, c'est ici pour la race blanche, l'écologie pour le rapport identitaire à la terre et le brun pour la couleur des chemises. Oh là là, ça... Oh là là, je suis transporté. Alors attendez, là ça cite des petits participants, dont certains qui vont se reconnaître là, hein, je les vois d'ici là. La liste de Schindler est tellement longue qu'on a l'embarras du Shoah, écrit un certain Gévola, pseudo sans doute choisi en référence au penseur néofasciste Julius Evola, dans la section consacrée à cette élection et postée dans la partie questions juives du forum. Les 2500 messages ayant entraîné plus de 10 000 réactions de cet utilisateur lui permettent d'afficher le grade de Hauptsturmführer de la SA, la milice nazie. Au fil de la discussion, les autres affichant tantôt le blason d'une division SS en photo de profil, tantôt un pseudo faisant l'apologie de l'Holocauste, font assaut d'antisémitisme, écrit encore Libération, qui, je vous le rappelle, hein, a pour chef de rédaction un officier du renseignement de Tsahal. La presse française est bien contrôlée, mes amis. Ici, on propose une personnalité qualifiée d'empoisonneur de puits. Là, on évoque la nécessité de choisir qui sera le premier à entrer dans le train en direction du sud de la Pologne, dans une allusion transparente au camp d'extermination d'Auschwitz. Alors, pas du tout, hein. Auschwitz n'était pas un camp d'extermination, c'était une prison dans le périmètre duquel il y avait un camp de travail, complètement différent. Question très difficile, lance Michael Wittmann, du nom d'un tankiste SS érigé en héros par les nazis. L'ennui, c'est que tous sont des sales juifs. Loin de moi l'idée de vouloir me soustraire à cette élection passionnante, mais je vais laisser ce choix à des experts S-Youpinade. En revanche, lorsqu'il faudra départager nos concurrents, voilà un vote que je ne manquerai pas. une accumulation d'horreurs qui s'étale sur les dizaines de milliers de pages du site. Les forumers y parlent de négationnisme et raciologie, des femmes et de l'éducation des enfants, mais aussi de sécurité informatique. Lâcheté oblige, nous dit Libération. Sur ce site, tout le monde a visiblement très peur de se faire pincer. A raison, nous dit Libération. Ah, y aurait-il une répression en France ? Qu'est-ce qui se passe ? Dites-moi plus. À peu près tout ce qui est posté tombe sous le coup de la loi française. Le site lui-même est hébergé dans une espèce de Far West abandonné du web. Les domaines en .su, attribués à l'ex-Union soviétique. Si les domaines en .fr ou .com, par exemple, relèvent d'un droit international circonstancié, l'ancienne URSS n'a jamais ratifié ce traité, et le .su est tombé dans un trou noir juridique. En effet, Dempart, comme l'appellent ses utilisateurs, a été l'objet de plusieurs condamnations pour son contenu. Au point, fait rarissime, que la justice française a ordonné aux opérateurs d'en bloquer l'accès en novembre 2018. Ce site haineux reste étrangement accessible au gré de ses modifications d'URL et migrations sur le web au fil des interdictions. Je déplore que ce forum ne fasse pas l'objet du même blocage que Démocratie Participative, explique à Libé le député Éric Botorel, de macroniste. Ce forum, c'est l'arrière-boutique du site Empire! Mais il suffirait d'une plainte instruite qui aboutisse à une décision de justice pour lui appliquer les mêmes restrictions, souligne cet élu de la majorité. Macroniste. Alors, messieurs... notre concours avait eu un grand succès, hein, à la fois parmi les forumers, parmi nos lecteurs, tout le monde avait voulu participer, parce que tout le monde avait son juif, hein, tout le monde avait son juif, forcément. Mais la presse aussi a observé le succès du concours au point d'en parler, de se fendre d'une réaction. Est-ce que vous avez un petit commentaire, parce que c'est marrant quand même l'article, ou pas, bon, parce que voilà, ça n'appelle pas nécessairement un commentaire, mais est-ce que vous voulez dire quelque chose éventuellement? Alors moi, je dirais deux choses. Alors, la première, c'est que j'ai pas compris pour qui Libération avait voté, parce qu'ils ont donné des noms, mais ils ont pas donné de vote. Donc, j'aurais aimé savoir pour eux qui était le seul juif de l'année 2022. Je suis sûr qu'ils en ont un en plus. Oui, ils ont voté en interne. Non, j'en parle dans ironie. Je suis à peu près sûr qu'à Libération, ils ont un sale juif en tête. C'est certain. Je pense qu'ils se sont rabattus sur notre médaille d'argent, si tu vois ce que je veux dire. Monsieur Zemmour, éventuellement, oui, possiblement. Oui. Ben, faut croire, hein, parce que vu la couverture qu'ils lui ont faite, c'est assez cruel, oui, effectivement. Donc voilà. Et la deuxième, c'est que j'ai bien aimé l'article, parce que ils sont allés chercher des messages très comiques. Nos forumers ont du talent. Et ils ont plutôt bien décrit le programme d'Europe Écologie Les Bruns. Donc j'étais assez content. Ouais, j'ai trouvé que c'était bien résumé. Bravo, bravo aux journalistes de Libération. J'aime bien. Bravo. Bon travail journalistique. Voilà, alors bon, l'écologie n'a jamais été de gauche, je précise quand même, hein, c'est complètement antithétique avec la gauche, puisque la gauche, par définition, est anthropocentrée, progressiste, assure que la culture prime sur la nature, donc, ou alors j'ai rien compris de l'histoire récente de la philosophie politique, mais bon. Alors je sais qu'ils essaient de... la quadrature du cercle un petit peu chez eux, ils essaient d'associer des thèmes qui s'excluent mutuellement... Mais bref, je sais. Alors Diabolique, je sais pas. Bon, toi, tu participes pas au forum, mais sur cet article là, de Libération, très très très remonté, est-ce qu'éventuellement t'as un petit truc à dire ? Moi, je réfléchis à la possibilité suivante. S'ils décident de censurer le forum, d'avoir une adresse en .gouv.fr, ce serait particulièrement rigolo. Ouais, mais il faudrait une révolution pour qu'on y parvienne. Mais après, oui, ça ferait un forum d'État en fait. Ça pourrait s'arranger plus rapidement que tu ne le crois. Ça durera pas longtemps, mais ça pourrait s'arranger plus rapidement que tu ne le crois. Ok, d'accord. Alors attendez, c'est pas terminé. Parce que suite à l'article, il y a eu des réactions, mais exaspérées, ulcérées de toute une série de gens, dont Europe Écologie Les Verts, le parti politique. Huffington Post de la Juve Anne-Sinclair réagit. Je vous livre ça tout de suite aussi. Alors, entre deux crises d'apoplexie, hein. Alors, Europe Écologie Les Verts a annoncé mardi 14 février poursuivre en justice un site internet nazi dont le nom EELB.SU. C'est formidable! C'est-à-dire qu'on est des nationaux socialistes protégés par l'Union soviétique. pour Europe Écologie Les Bruns, pour lesquels donc Europe Écologie Les Bruns est un détournement raciste et identitaire du nom du parti écologiste. C'est un article de Libération paru le même jour qui a alerté les responsables du parti. C'est extraordinaire ce truc. Attends, les idées véhiculées sur ce site sont nauséabondes. Mais qu'est-ce qu'ils ont avec ce mot, les gauchistes, quoi ? Ils sont... Putain, mais c'est dingue, quoi. Ils se renouvellent pas, quand même. Putain, ça fait 40 ans ou plus qu'ils utilisent ce truc. Et le détournement de notre nom est intolérable. Le bureau exécutif de ELV a acté d'engager des poursuites judiciaires et un signalement afin que ce site disparaisse. Écrivent les porte-paroles. Alors là, accrochez-vous. Aminata Niakate et Sophie Bussière. Alors, Aminata Niakate... Alors, j'ai regardé le truc. J'ai encore progressé en ethnologie. Alors là, on est tranquillement au Soudan, vous voyez. C'est à la frontière de l'Égypte, vous voyez. On est sur un truc de ce goût-là. Enfin, c'est pas possible autrement, hein. Alors, ELV exige du gouvernement une lutte effective contre les groupes d'extrême droite racistes et violents, ces derniers jouissant d'une certaine impunité et ayant même pignon sur rue, ajoute-t-elle. Au-delà du détournement du nom de notre parti, nous souhaitons rappeler que les idées haineuses véhiculées par ce site sont pénalement répréhensibles et devraient inquiéter très largement les autorités, soulignent les représentants de ELV qui demandent l'ouverture d'une enquête. Alors, ils ont loupé quand même les 5 dernières années d'actualité concernant le site, parce que, je veux dire, c'est pas les ouvertures d'enquête, les procédures, les campagnes de propagande hostile par la presse juive... On a bouffé que ça, je veux dire, les réactions de ministres, du Parlement, on les a tous eus, je veux dire, tous, sans exception, je crois. Je crois qu'à ce stade, il n'y a que Macron qui a même pas, ouais, c'est peut-être le dernier qui n'a pas dit, mais quand même, il est temps de faire quelque chose, ouais. Mais c'est tout, je veux dire, bon, voilà. Alors, ELV, ils sont scandalisés, et ils disent qu'il y a, on leur pique, on leur fait de l'ombre, nous disent-ils. Alors, non, d'abord, je disais, l'écologie est une science politique de droite, c'est absolument indubitable, c'est une science national-socialiste, hein, il faut le préciser, qui a basculé à l'extrême-gauche dans les années 60, mais ça n'enlève à rien au fait que l'écologie provient du monde fasciste allemand et germanique, ça c'est une chose. Donc voilà, donc en fait on a remis l'église au milieu du village, on a chassé le rabbin, et là, on a Aminata Niakate, déjà, qui est en révolte contre l'écologie, puisqu'elle n'est même pas dans son biotope. Qu'est-ce qu'elle fout à Paris, cette négresse ? Elle devrait être en Afrique. Donc déjà, si elle était écologiste, comme elle le prétend, elle serait en Afrique. Donc déjà, là, vous avez vu, c'est déjà plié. Hein, les lois de l'écologie ont parlé. Et Sophie Bussière, je ne sais pas, c'est peut-être une gouine. De toute façon, Europe Écologie, il n'y a que des gouines. Hein, je veux dire, il n'y a que des gouines. Obèses, en plus. Pratiquement toutes, hein. Pratiquement toutes. Et voilà. Et généralement lesbiennes. Donc, dans ce cas-là, il n'y a aucun souci. Ceci dit, Gandalf, il y a quand même une personne qu'il faudrait récompenser sur le forum. Oui, oui. C'est oui. Le célèbre proxénète Dodo la Saumure. Parce que, en fait, ce brave garçon qui a été l'objet d'un procès, je crois, au tribunal de Lille pour proxénétisme, nous a permis d'étaler la vie publique d'un ancien ministre français juif et socialiste et qui nous a enfin permis d'officialiser la chose, à savoir que Anne Sinclair est une enculée. Quoi ? Comment ça ? Oui, précise un peu, je suis un peu curieux là. Ah ben c'est relativement simple, quand Dodo la Saumure a été condamné pour proxénétisme, non, les putes sont venues témoigner. Ouais, mais précise et elles ont témoigné que... Précise qui est Dodo, où il opérait, c'était quoi son périmètre et pourquoi Anne Sinclair ? Parce que nos auditeurs savent pas forcément. Dodo la Saumure est un Français propriétaire de bordel en Belgique et qui organisait des parties fines pour Monsieur Strauss-Kahn. Alors en fait, il a été poursuivi pour proxénétisme. Monsieur Strauss-Kahn a été obligé de déballer toute sa vie sexuelle à la barre. Et il se fait que M. Strauss-Kahn a une passion, c'est-à-dire enculer les nanas. Il passe par la boîte à caca, c'est son fantasme le plus habituel. Donc, si les prostituées se sont fait sauter la boîte à caca, je ne t'explique pas ce que Mme Anne Sinclair a dû subir. D'accord. Donc tu confirmes, Anne Sinclair est une enculée. Donc c'est ça que tu voulais me dire. Ah ben, je suis désolé. Bon, c'est l'objet de minutes qui sont reprises dans les tribunaux. C'est pas une invention de ma part. Alors, donc voilà pour la rubrique numéro 1, démocratie participative. Merci à tous les forumers, merci à tous. Vous nous donnez beaucoup de plaisir à commenter activement les sujets, les topics. Il y en a certains qui suscitent particulièrement votre mobilisation, et sachez que vous êtes très observés, et vous le voyez sur la fréquentation du site, ceux qui sont en ligne, etc., et vous voyez, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas inscrits, mais ils visitent. Parmi les visiteurs, il n'y a pas que des gens bienveillants, hein, je veux dire, donc c'est intéressant quand vous postez, et ça ne veut pas dire retenez-vous, mais sachez que vos contributions sont appréciées par des observateurs extérieurs, donc voilà, hein, soyez créatifs, n'hésitez pas. Alors, rubrique suivante, messieurs, rubrique numéro 2, le droit d'art de la semaine. Alors lui, il m'a fait voyager, oh là là là là là là. Le policier NS bavarois. Alors, bah oui, Derek, hein. Forcément. Hein. Alors, installez-vous confortablement, messieurs, chers amis. Un détective allemand, sous-entendu un officier de police allemand. Un détective allemand engagé pour protéger la vie d'une personnalité juive très en vue en Allemagne a été rétrogradé de son rang d'officier de police pour avoir envoyé de multiples messages antisémites et pro-nazis, sous-entendu sous Internet. Les menaces croissantes de l'extrême droite en Allemagne signifient que Charlotte Knobloch, 90 ans, présidente de la communauté juive de Munich et de Haute-Bavière et ancienne présidente du Conseil central des Juifs d'Allemagne, a souvent eu besoin de deux gardes du corps pour assister à des événements. Donc on nous dit que c'est à cause de la menace d'extrême droite et pas du tout à cause du caractère insupportable des Juifs. Mais l'un des hommes engagés pour la protéger ces dernières années, donc appartenant à la police, hein, le détective munichois Michael R., dont le nom est protégé par les lois allemandes sur la vie privée, a envoyé des messages antisémites sur un groupe WhatsApp interne de la police avec 7 autres officiers. La semaine dernière, un juge du tribunal administratif de Munich a ordonné sa rétrogradation, mais le quartier général de la police de Munich, donc en fait il a perdu un grade quoi, mais le quartier général de la police de Munich, évidemment sous contrôle des juifs, a déclaré vouloir retirer entièrement sa qualité d'officier à l'intéressé. La confiance a été irrévocablement détruite, a déclaré encore le quartier général de la police de Munich. Donc lorsqu'il était son garde du corps, donc le garde du corps de cette juive, Michael R., 43 ans, signait ses messages par Sikael. Une fois, il a déclaré qu'il préférerait rencontrer son patron à Dachau plutôt qu'à Auschwitz ou Flossenbürg, car cela signifiait pour lui qu'il rentrerait plus vite à son domicile, pour une raison de distance. Il a également envoyé un message à ses collègues de la police en disant « J'ai chié devant sa porte, belle et brune, avec des drapeaux. » Donc, sous-entendu, la porte de la juive. Hein. Dans un autre message, il écrit que, grâce au Covid, on pourrait rouvrir un camp de concentration. Sous justificatif donc de la pandémie, hein, bien sûr. Et dans une série de messages vocaux, l'homme qui a également été garde du corps des footballeurs Jérôme Boateng et Stéphane Effenberg imitait également Adolf Hitler. Son avocat Michael Gimpel a déclaré que l'homme cherchait un exutoire verbal à son travail et a nié qu'il était antisémite. Dans une déclaration de la communauté juive de Haute-Bavière et de Munich, où elle est en poste depuis 1985, Madame Knobloch a déclaré « J'ai été horrifié d'apprendre les accusations portées à l'encontre d'un ancien garde du corps qui apparemment a fait des remarques antisémites et haineuses dans des conversations avec des collègues de travail et qui a donné un témoignage douteux sur le temps qu'il a passé dans mon service de sécurité lors d'un procès. Même si cette mission particulière a eu lieu il y a un certain temps, la nouvelle de sa transgression m'a affecté à un niveau très personnel, car elle concerne non seulement ma propre sécurité, mais aussi ma relation avec la police dans son ensemble. Dans une démocratie, la police peut faire son travail parce que les citoyens lui accordent leur confiance. Dans ma jeunesse, sortez les violons, les juifs associaient les uniformes de police non pas à la sécurité, mais au contraire à un danger mortel. Toutefois, elle a également déclaré que si sa confiance avait été mal placée dans ce cas, cela n'avait pas altéré sa relation avec les agents qui la protègent aujourd'hui. Bah ouais, hein, on sait jamais ce qui pourrait se passer, quoi. Je sais et apprécie ce qu'ils continuent de faire pour moi. Ils sont jugés sur leur propre travail et non sur les actes d'un collègue dont le sens moral est irrémédiablement brisé, nous dit encore la sale juive qui ose parler de moralité alors que sa race puante escroque l'humanité depuis 3000 ans quand même. Au bas mot, hein, race de voleurs, d'esclavagistes et j'en passe. Alors messieurs, j'ai été conquis moi pour cette petite histoire. Le policier NS de Munich qui n'en peut plus de surveiller une juive pour la protéger. Putain, mais... Je tiens Gandalf à te rassurer. Les choses évoluent très positivement à Munich. Très très positivement. D'abord, juste à côté du camp de concentration de Dachau, tu as les usines Mann. Ça me réconforte. Ce camion est absolument merveilleux. C'est une technologie fantastique. Et surtout, maintenant, il y a à grosso modo 150-200 mètres du camp, on a ouvert un donjon BDSM où on peut joyeusement s'amuser avec ses compagnes respectives, à dresser les femelles torses et révoltées. C'est absolument magique. Attends, c'est vrai ce que tu dis là? Ah oui, c'est absolument vrai, j'ai l'adresse, j'ai tout. Ah, je veux les photos, et je veux tout. Il me faut les trucs, on fait un article là-dessus, ah, c'est obligé. Ah, c'est pas difficile, tu vas sur Google Maps, tu as l'adresse, ah, tu as absolument tout. Ah, moi je veux tout, ah mais je veux tout, putain, je veux tout. Non, ah, c'est pas possible. Mais est-ce que tu imagines la scène, mon ami? Les nanas habillées en Elsa, la SS du Führer, nous avec des fouets et des cravaches en train de fouetter joyeusement de charmantes petites juives en pyjama rayé, le top du top. Hein. Ah non, ça n'existe pas les charmantes juives, ça n'existe pas ça. Non, des juifs velus avec des faciès tordus, là, ouais, tout ce que tu veux. Mais non, mais je savais pas pour l'histoire des BDS. Ah non, mais alors, incroyable ça, alors, incroyable. Ah ben c'est à 200 mètres de Dachau, c'est génial. Et d'ailleurs, en fait, tu avais l'ancienne piste de, comment dire, de danse, de check des usines Mann pour pouvoir voir les camions si ça fonctionnait bien ou pas. Ouais, c'est pas mal ça. Bah, de toute façon, Dachau, bon, l'installation, elle est là, elle demande qu'à ouvrir, je veux dire. Hein? Ça demande qu'à ouvrir, tout ça. Je veux dire. Tout à fait! Bah, alors, hein? C'est pas la clientèle qui manque de nos jours, hein? C'est pas la clientèle qui manque. C'est de l'espace inoccupé, il faut quand même rentabiliser un peu. Hein. Tout à fait. Mais alors, je rebondis, là, sur ce qui se passe avec notre... Non, mais moi, je m'intéresse quand même à ce qui se passe en Allemagne, hein, donc je suis un peu curieux quand même, hein. Et alors, j'ai remarqué qu'il y a quelque chose dans la police allemande, quand même. Hein. Je veux dire, bon, bien sûr, ils en font des caisses, mais ça sort quand même très régulièrement qu'en Allemagne, les flics allemands, ils échangent, ils discutent hein, sur leur temps de travail, et il y a quand même des références qui reviennent un petit peu tout le temps. Hein. Bon, on sent qu'il y a des gars en Allemagne, après les journées de boulot, ils ont envie de quelque chose de nouveau dans leur vie, vous voyez. Quelque chose de nouveau et quelque chose d'ancien en même temps, vous voyez. C'est un peu du vintage. Je sens en Allemagne, dans certains cercles, hein, régaliens, une grosse envie de retour en arrière. et là, je crois qu'on en a un exemple. Parce que, je veux dire, on peut dire que c'est anecdotique, mais en fait, il y a à chaque fois, il y a des gars qui se font poisser. Les mecs sont là, putain, on n'en peut plus, quand Adolf Hitler revient. Bon, J'imagine qu'à l'armée, c'est pareil. Dans les forces spéciales militaires allemandes, c'était la même chose. À tel point qu'ils ont dû démanteler des unités spéciales hyper pro parce que, en fait, tout le monde était NS là-dedans. Il y a une lassitude en Allemagne. Et compte tenu de l'histoire, je pense qu'il faut se méfier de l'Allemagne positivement. C'est-à-dire que l'Allemagne a tendance à aller très loin dans la merde avec des retours de flammes particulièrement spectaculaires quand l'Allemand est énervé. C'est-à-dire que la colère allemande, et c'est pas la colère française, hein. La colère allemande, c'est quelque chose de très réel. Quand l'Allemand est en colère, c'est problématique quand même. Pour ceux qui l'ont mis en rogue, je précise. Et je crois que c'est un peu ce qui couvre, là. Parce que l'Allemand n'est pas intellectuel. Hein. Enfin, il y a des intellectuels allemands de première classe, mais je veux dire, quand il se met en colère, c'est pas la partie intellectuelle qui prend le dessus, quoi. Je veux dire, c'est plutôt la partie bricolage. Hein. C'est plutôt la partie pratique, quoi. Hein. c'est que comment on met des barbelés sur des poteaux, vous voyez, comment on met l'éclairage sur le... Tiens, Mirador, on dispose ça comment? Et tu mets où la mitrailleuse? Vous voyez, ce genre de trucs, vous voyez. L'Allemand est plutôt comme ça, quoi. Je veux dire, c'est moins blabla, quoi. Hein. Mais je préfère, c'est plus mon tempérament aussi, d'ailleurs. Contrairement peut-être aux apparences que je peux donner. Nogaret, partages-tu la frustration? Moi, je l'appelle mon camarade NS de la police allemande, parce que, bon, on appartient au même parti, donc déjà, ça facilite les amitiés. Mais qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'as à dire? Eh bien, justement, à t'écouter narrer cette belle histoire, ça m'a refait penser à autre chose. Un jeune Autrichien qui, dans le passé, est arrivé à Vienne, et c'est pareil, en fait. Il s'est mis à devoir, pour des raisons professionnelles, fréquenter des Juifs, etc. Et bizarrement, il a eu le même effet, c'est-à-dire ce que eux ils appelleraient de l'antisémitisme, ce que nous on appellerait plutôt une réaction saine à des abus quotidiens et à contre-sémitisme. On appelle ça le contre-sémitisme. Oui, voilà, je pense que c'est mieux résumé. Mais voilà, je trouve que, voilà, comme tu l'as dit, hein, chez l'Allemand, en fait, il y a une certaine continuité, c'est-à-dire que quand on le met trop à côté d'un certain type de population, il a tendance à réagir, à juste titre, contre cette population. Donc, je pense pas qu'effectivement, il soit antisémite, hein, ce Michael. Je pense qu'il en avait juste marre, comme nous tous, et qu'il s'est dit que il allait chercher des références dans l'histoire qui avaient bien marché sur ce même problème et pourquoi pas les remettre en place. Ah bah je confirme, pourquoi pas les remettre en place, oui, tout à fait. Alors ça, je suis le premier à le dire, tout à fait, hein, voilà. Mais en plus musclé cette fois, hein, parce que la dernière fois c'était bien et tout, moi j'ai bien aimé aussi, mais là il va falloir quelque chose d'un peu costaud quand même, hein, parce que bon, la dernière fois c'est l'échauffement, quoi. Hein. La prochaine fois il va falloir faire du... Parce que là, quand même, ils ont quand même... Ils ont quand même tout salopé de l'appartement, hein. Il va falloir nettoyer, hein. Donc, excusez-moi. Donc voilà, bah écoutez, l'inspecteur de Munich, il a mon coup de chapeau, ma solidarité, une solidarité bien évidente que je communique à tous nos camarades NS en Allemagne. Diabolix, qu'on n'arrête pas sur ces sujets-là, me communique le numéro de téléphone du club BDSM de Dacho. En direct, hein. Il s'appelle Émotion Pure. En français, apparemment. Tout à fait, oui. Bah, apparemment, c'est en français. Bon, posez-vous deux, trois questions, hein, pour comment ça se fait. Alors, j'ai le numéro de téléphone. Qui s'intéresse? Je veux dire, bon, bah, les voyages obligatoires. Ah, putain, ça sera un truc. Ah, oh là là, il y a des canulars à faire sur les voyages de lycéens. Vous savez, les trucs obligatoires, on envoie les gens à Dachau. Vous jouez sur les adresses et les numéros de téléphone et vous communiquez l'adresse du club BDSM. Oh, je peux pas m'empêcher, je vous donne le numéro de téléphone, messieurs. En direct, en live, en live sur démocratie participative. Allez, indicatif national Allemagne, hein, plus 49, 813, d'accord, 13, 30, 62, 03. Voilà, Vous avez le numéro de téléphone du club. Je vous invite pas à y aller vous-même en personne. Hein. Bon, c'est pas ça qu'on vous dit. Mais vous avez peut-être des petits trucs rigolos à faire pour les voyages groupés, pour le devoir de mémoire, etc. Moi, je pense qu'il y a des trucs à jouer. Là, je vous laisse l'imaginer. Si vous avez de l'imagination et que vous êtes créatif, allez-y, c'est gratuit. Allez, c'est parti, les petits gars. Et la révolution, c'est le plus grand éteint. Messieurs, deuxième partie de démocratie participative, discussion, troisième guerre mondiale. Nos auditeurs le savent, on a pris le pari de le décrire comme ça, de décrire cette situation comme ça. Est-ce qu'on aura raison ou tort ? L'histoire le dira. Et nous suivons pas à pas l'évolution du conflit qui, je le rappelle, au départ, parce que les gens l'oublient un peu vite, ils perdent un peu le recul, mais au départ, c'est une sombre histoire de rixes entre Kiev et les populations du Donbass. Hein. Au départ, en 2014, c'est ça. On est parti de ça. Aujourd'hui, en 2023, nous sommes, et là je cite les autorités américaines et Kamala Harris, qui l'a dit à Munich, où il y avait un rassemblement de tous les représentants des puissances occidentales, nous sommes dans une guerre globale contre la Russie. Ça, c'est les dernières déclarations des puissances occidentales. Ils sont dans une guerre globale contre la Russie. Donc, en un peu plus de 8 ans, il s'en est passé quand même des choses pour qu'on passe d'une rixe entre Slaves à une guerre globale. Et visiblement, pour qu'on en vienne là, c'est qu'il y a des intérêts en jeu qui dépassent quand même très largement le Donbass, dont je ne doute pas d'ailleurs de la beauté des paysages, du potentiel industriel, du charme de ces campagnes, etc. Mais enfin, de là à parvenir à une guerre globale, comme le disent les puissances occidentales, il a dû se passer quand même quelque chose. Et j'aimerais qu'on travaille sur les racines de ce qui s'est passé et aussi sur les attentes de nos amis. Dépêche Reuters, en marge de cette conférence de Munich sur la sécurité. C'est une conférence qui a lieu annuellement, qui est une conférence atlantiste, qui est en fait rassemble les éléments pro-américains des deux côtés de l'Atlantique, donc dans la capitale de la Bavière. Bon, c'est un événement qui permet aux uns et aux autres en Occident de fixer les priorités de l'année. Certaines années, ce qui s'y dit est une somme de platitudes, et certaines années, si jamais l'Occident démocratique est en guerre contre tel ou tel, ici des choses qui sont observées avec plus d'attention. Cette année, compte tenu de ce qui se passe en Ukraine, évidemment, c'est devenu une tribune pour les États-Unis et pour leurs satellites qui veulent exprimer leurs objectifs face à la Russie. Et Soros, George Soros, le milliardaire qu'on ne présente plus, était présent à Munich, en personne. Il avait fait savoir qu'il ne viendrait pas en Europe pour le forum de Davos, c'est intéressant, parce qu'il privilégiait la conférence de Munich. Intéressant, hein, intéressant à noter ça. Évidemment, George Soros a maintenant 93 ans, il va sur ses 94 ans, c'est quelqu'un qui est très âgé, donc il ne voyage pas avec facilité, vous comprenez bien. Donc quand il prend un jet privé, etc., c'est vraiment pour peser de tout son poids dans les échanges, hein. Il était accompagné de son fils, d'ailleurs, qui est son héritier, héritier juridique, bien sûr, héritier familial, bien évidemment, mais aussi spirituel, hein, et c'est comme ça qu'il est présenté. Donc, c'est le prince consort, en quelque sorte, hein. Et alors, Soros est présent, il est à Munich, est aussi à Munich Kamala Harris, vice-présidente des États-Unis, Emmanuel Macron est présent, aussi le ministre de la Défense allemand est présent, à noter ça. Ça se passe en Allemagne, c'est le ministre de la Défense qui est présent. C'est, pour autant que je sache, Scholz n'était pas présent, mais je peux me tromper, mais c'est Pistorius, le nouveau ministre de la Défense allemand, qui a pris la parole et qui a eu le droit, en fait, de se mettre en avant là-bas, et ainsi toute une série de personnalités. Et alors, voici ce que dit Soros, et c'est absolument révélateur parce que tout le programme y est. Le financier milliardaire Soros a déclaré jeudi que si la Russie était vaincue dans la guerre d'Ukraine, cela entraînerait la dissolution de ce qu'il appelle l'Empire russe, ce qui, selon lui, serait salué par les anciennes républiques soviétiques. L'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février a déclenché l'un des conflits européens les plus meurtriers depuis la Seconde Guerre mondiale et la plus grande confrontation entre Moscou et l'Occident depuis la crise des missiles de Cuba en 1962, dit Reuters. M. Soros a déclaré que les États-Unis soutiendraient l'Ukraine, mais que le président Joe Biden avait averti l'Ukrainien Volodymyr Zelensky qu'il y avait des limites à ce soutien et qu'il fallait éviter une troisième guerre mondiale. Soros n'a pas divulgué la source de ces informations. Donc, ça, c'est évident dans ce qui est dit. C'est pourquoi Soros dit ça, c'est pour dire que la possibilité d'une troisième guerre mondiale est réelle. D'accord ? Il dit, voilà, pour l'instant, Biden n'est pas derrière, il ne soutient pas, mais c'est une façon de glisser le mot dans la discussion. Je poursuis. Gestionnaire de fonds spéculatifs devenu philanthrope, Soros a déclaré que l'armée russe était mal dirigée, mal équipée et démoralisée. Mais que le président Vladimir Poutine s'était tourné vers le groupe de mercenaires Wagner pour contrecarrer l'armée ukrainienne. Les pays de l'ancienne Union soviétique ont hâte de voir les Russes vaincus en Ukraine car ils veulent affirmer leur indépendance, a déclaré M. Soros à la conférence sur la sécurité de Munich, selon un texte de son discours publié par son bureau. Cela signifie qu'une victoire ukrainienne entraînerait la dissolution de l'Empire russe, la Russie ne constituerait plus une menace pour l'Europe et le monde, a-t-il ajouté. Ce serait un grand changement pour le mieux. Reuters ajoute encore, après l'effondrement de l'Union soviétique en 1991, la superpuissance nucléaire s'est scindée en 15 républiques indépendantes, mais la Russie est restée de loin la plus puissante d'entre elles et le détenteur du plus grand arsenal nucléaire du monde. Soros a déclaré que le pari de Poutine sur le groupe de mercenaires Wagner fondé par Yevgeny Prigozhin semblait avoir fonctionné à court terme. Le pari a fonctionné, a déclaré Soros. L'Ukraine était confrontée à un choix stratégique, soit s'enliser en tenant Wagner en échec, notamment donc à Bakhmut, soit offrir à la Russie une victoire de propagande et préserver ses ressources limitées par une contre-attaque. Donc toujours dans la région de Bakhmut. L'Ukraine, a-t-il dit, avait une fenêtre d'opportunité étroite au printemps, une fois qu'elle aurait obtenu les armes promises par l'Occident. Alors je contextualise un peu pour expliquer ça à nos auditeurs. Donc là, en fait, Soros fait une déclaration générale sur la nécessité de vaincre la Russie pour précipiter en fait la dissolution de l'État russe, la destruction, le démantèlement de la Russie en toute une myriade d'États fantoches, de républiques ou autres, ce qu'ils ont en stock depuis un moment dans leur projet. Et plus concrètement sur le théâtre des opérations, il a dit que Poutine, à court terme, a réussi à tenir tête à l'Occident grâce aux mercenaires de Wagner, notamment à Bakhmut, qui est une ville très disputée, et il explique que l'Ukraine a le choix à Bakhmut d'abandonner la ville pour préserver ses forces et lancer une contre-offensive ultérieurement au printemps, ou tenir la ville pour ne pas offrir une victoire politique aux Russes, mais au prix au prix militaire de pertes considérables. Voilà. Donc il dit voilà, il faut choisir un des deux, soit on préserve nos réserves pour lancer une contre-offensive au printemps, ou alors on tient Bakhmout coûte que coûte, et auquel cas on n'aura pas les effectifs nécessaires pour contre-attaquer. Voilà. Voilà ce qu'a dit en gros Soros, mais pour lui l'axe est prévu hein, ce n'est pas une victoire en Ukraine uniquement, ça n'est pas limité à l'Ukraine, c'est pas une histoire de droit international, de s'assurer que les frontières de l'Ukraine telles qu'elles sont reconnues internationalement soient réinstaurées ou quoi. Il s'agit bien de précipiter le démantèlement de la Fédération de Russie. Hein. Les Polonais, d'ailleurs, s'expriment de la même manière. Donc, pour ceux qui pourraient s'interroger, quand vous entendez, quand vous voyez les médias français parler de respect du droit international, il est important de renvoyer les troupes russes sur le territoire de la Fédération de Russie, et une fois qu'elles auront été chassées du territoire ukrainien, la guerre s'arrêtera, etc. Non, pas du tout, hein, comprenez-le bien. L'objectif, ce n'est pas l'intégrité territoriale de la Russie, de l'Ukraine officielle, c'est bien le renversement de Vladimir Poutine et le démantèlement de la Russie. Ils le disent haut et clair quand on s'intéresse aux bonnes sources. Alors maintenant, après avoir parlé longuement, j'aimerais avoir l'avis de nos participants. Je vais commencer avec Nogaret et ensuite je donne la parole à Diabolix. Oui, en fait, ce qui est bien avec, pour faire une petite remarque, ce qui est bien avec les Juifs, c'est qu'ils vendent tellement tout qu'ils vendent jusqu'à la mèche. Alors c'est pratique parce que ça nous permet de voir que ce qu'on annonce ici quand même depuis quelques semaines, voire quelques mois, c'est finalement ce que prévoient effectivement les Juifs, le démantèlement, etc. Maintenant, moi j'ai plus l'impression que tout ça relève d'un vœu pieux que d'une véritable analyse, que ça relève aussi d'une certaine forme de propagande, propagande qui est en train de se fissurer sur certains points. Ils sont obligés de revenir un petit peu sur ce qu'ils peuvent dire quand ils disent par exemple, quand ils font toute une propagande sur les pertes russes qui seraient énormes, on voit que même dans la presse autorisée, on va dire, ils commencent à montrer que les pertes ukrainiennes sont quand même supérieures aux pertes russes. Il commence à montrer ce genre de choses, pareil sur Bakhmout, qui serait un point qui n'a aucune importance. Maintenant, il commence à reconnaître que ça a peut-être une importance, notamment pour sauver les troupes qui y sont. Puisque je l'ai dit plus tôt, mais je leur dis, dans la guerre, même moderne, avec tous les moyens techniques qu'on a, le soldat à pied, ça reste quand même la base de la guerre. Et l'Ukraine, avec même approvisionné par l'Occident, va peut-être un jour en manquer. Et ça, ce sera peut-être le point de basculement, justement. Tu notes une inflexion dans le discours, en tout cas, qui est autorisé dans les médias français. Hein. Ça, c'est ce que tu dis. Voilà, on commence à mitiger un petit peu l'exaltation qui pouvait avoir cours il y a quelques mois en disant non, mais il y a plus de pertes que prévu. Donc, je note ce point-là. Diabolix, le projet de Soros de démantèlement de la Russie, secret de Polichinelle, puisque c'est le projet depuis l'avènement de Poutine en 2000, hein, je veux dire, on le sait, hein, les oligarques juifs, c'est leur but. Mais, Soros le dit en clair, il dit, une victoire en Ukraine est la condition prérequise à notre objectif, qui est le démantèlement de l'État russe. Alors il n'a pas dit en combien de républiques, mais on a bien compris que si jamais ces gens-là et si Soros en venaient à bout, il ne resterait rien de la Russie. On est d'accord. Mais on est surtout d'accord sur un fait, c'est que notre ami Soros est en train de déconner à plein tuyau, mais à un niveau qui dépasse l'entendement. Déjà, la Russie, c'est un ensemble de peuples qui ont le même objectif, c'est-à-dire leur fédération. Donc, ils ont essayé de déstabiliser la Russie, ils ont essayé d'y créer des attentats, ils ont essayé de faire mille et un trucs, à chaque fois, ça a foiré. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, ils voudraient une victoire en Ukraine. Je rappelle ici que l'Ukraine en est à sa, de mémoire, c'est sa 9e mobilisation. Grosso modo, si on tient compte de la logistique et du reste, il reste grosso modo à Zelensky 3 millions de connards à envoyer au front. Et après ça, ben, il n'y a plus rien en stock. On va leur envoyer des chars, c'est une très bonne initiative. À la seconde où on a annoncé qu'on envoyait les léopards M2A1 ou M2A2, la première chose que les Russes ont fait, c'est qu'ils ont envoyé à leur artillerie les différentes modifications des obus pour pouvoir détruire ces chars. Donc, ils sont attendus avec impatience. Et de nouveau, on est face à un système extraordinaire qui m'amuse énormément, c'est que le Russe ne te ment pas. On peut reprendre toute l'histoire de la Russie. Quand le Russe réfléchit, avec lui, c'est soit blanc, soit noir, il n'y a pas de zone grise. Et le gros truc de l'Européen, c'est que tout est gris. C'est du show business, c'est du mensonge, c'est tout sauf la simple vérité. Donc en fait, on a d'un côté les Soros, les Américains et tout le cirque européen de gens qui sont, entre guillemets, des blablateurs de salon. Et de l'autre côté, tu as des gens qui sont extrêmement carrés, qui ont tout à fait la conscience de ce qu'est une vie humaine. Ils vont pas envoyer leur bus se faire descendre uniquement pour le plaisir de se faire descendre. Ils sont très économiques en personnel. Et il faut comprendre que face à un rouleau compresseur pareil, les Européens n'ont aucune chance. Soros, il peut te broder toutes les conneries qu'il veut. Il a rien en stock. Il a du blabla, c'est tout. Mais c'est uniquement ça. Oui, oui, oui, c'est intéressant ça, ce point de vue-là. C'est très théorique leur truc. Soros, c'est très théorique. C'est qu'il dit, il y a qu'à Faucon, je vais dire aux Goy de mobiliser leur armée, etc. Mais je pense que là, il y a une. Est-ce que c'est intéressant la guerre d'une manière générale comme science, parce que la guerre échappe à l'homme très vite. Et Napoléon le disait très souvent, lui parlait des plans qu'on dressait pour rentrer dans une bataille, mais je pense que ça s'élargissait à la pratique de la guerre en elle-même. C'est-à-dire que voilà, tu rentres dans une bataille ou dans la guerre avec un plan préétabli, t'as des attentes, et puis en fait tu découvres que la guerre c'est une série de surprises, que c'est une espèce de réalité qui t'échappe constamment. Et je crois que les Occidentaux se sont dit, bon, écoutez, c'est très simple, économiquement, technologiquement, on est largement supérieur, démographiquement aussi, quand on associe toutes les puissances occidentales. Bon, la Russie, c'est très gentil, mais c'est quoi leur PIB, leur démographie, c'est quoi, bon, c'est terminé, voilà, on va en faire qu'une bouchée. Je vous rappelle ce qu'avait déclaré Bruno Le Maire aussi, lorsqu'il avait déclaré... Pour ruiner l'économie russe. Voilà, en concertation avec l'Union Européenne et les États-Unis d'Amérique, ils étaient très sûrs d'eux. Et Bruno Le Maire, bon, qui était un télégraphiste, mais en fait, il a quand même dit, voilà, on va les mettre à genoux, ça va être réglé en 5 minutes. Donc, en fait, ils nous rapportaient ce qu'ils se disaient entre eux. Ils disaient, pff, les gars, faut pas se tromper, voilà, on va faire un blocus, ils sont finis, les gars. Quoi. Et en fait, ils démontrent leur incompétence. Parce qu'évidemment... Ils sont entrés dans une guerre contre la Russie en pensant que c'était l'Allemagne. Et c'est intéressant de voir d'ailleurs que dans la rhétorique et dans l'idéologie qui est les références idéologiques qui sont les leurs, ils aiment bien associer la Russie à l'Allemagne. Oui, Poutine c'est Hitler. La Russie c'est la nouvelle puissance fasciste. L'Ukraine c'est la Tchécoslovaquie ou la Pologne de notre époque, etc. Ils aiment bien nazifier la Russie. Je dis pas que les Russes nazifient pas leurs opposants, mais c'est pas le sujet. Et en fait, ils disent, du coup, ça va se passer pareil. Oui, mais enfin, l'Allemagne a toujours été une puissance encerclée d'autres États, sans ressources. La Russie a toutes les ressources qu'elle veut. Donc quand on regarde le PIB, c'est bien gentil. D'abord, le PIB russe est complètement sous-estimé, parce qu'il y a énormément de cash qui circule dans le pays en dollars qui n'est pas compté. Donc déjà, le PIB russe, il est très très mal comptabilisé par les médias qui, évidemment, ne veulent pas gonfler leur ennemi, donc ils font exprès de sous-estimer sa puissance économique réelle. Ils ne voient pas que c'est une masse terrestre énorme, ils ne voient pas qu'ils sont soutenus par cette puissance manufacturière considérable qu'est la Chine, que l'Inde est là aussi. qui refuse catégoriquement de rompre les ponts avec Moscou en dépit des pressions des États-Unis, et que virtuellement, le blocus contre la Russie a échoué. Ça n'a pas marché. Il n'y a pas de blocus. Donc la Russie... Mais non seulement ça, Gandalf, mais le gros problème, et ça c'est quelque chose que les Européens ne veulent pas comprendre, c'est que on n'a pas de ressources, on n'a pas de pétrole, on n'a pas de gaz, et on dépend uniquement de l'Asie pour nos fournitures. Je vais prendre un exemple simple. Quand la Belgique envoie les paracommandos en Afrique, la totalité des moustiquaires traités contre le paludisme, ça vient du Pakistan. On n'en a pas de stock, on ne sait pas en fabriquer en Europe. On ne fabrique plus rien. La durée de vie d'un fusil M4 est nettement inférieure à celui d'une Kalachnikov. Et ça, les gens ne comprennent pas. Les gens se disent, bon ben voilà, on a une technologie qui est extrêmement poussée. Alors oui, c'est vrai, on a une technologie qui est extrêmement poussée. Seulement le petit souci, c'est que quand tu vois le prix d'un lance-missile HIMARS, tu en achèteras 3, 4, 10, mais à un certain moment, tu n'as plus de budget. Et chaque roquette te coûte $1 million. Tu ne peux plus suivre. On est failli, on est tous virtuellement failli. Ça c'est un autre point. Ouais. Alors je voyais Medvedev, l'ancien président de la Fédération de Russie. J'aime bien Medvedev, il est marrant. En plus, il a une communication très agressive, mais l'homme en lui-même ne l'est pas en fait. Et c'est un professeur d'ailleurs d'université. Enfin, c'est un physique qui rappelle un peu Nicolas II d'ailleurs. Et comment dirais-je, il a été nommé par Vladimir Poutine pour superviser l'effort de guerre hein, russe. Et c'est très sérieux. Et moi, contrairement, depuis le départ, en fait, je prends très au sérieux la Russie, très au sérieux son effort de guerre, contrairement en fait aux clowns européens. Je dis pas que le potentiel ne serait pas là, d'ailleurs, en Europe, hein, s'il y avait une structure politique digne de ce nom en Europe, mais qui n'existe pas, qui ne peut pas exister en démocratie. Mais en Russie, ils sont très sérieux. Et alors, s'adressant donc aux différents représentants des usines d'armement russes, il a dit « Nous avons besoin de milliers de chars, de milliers de tanks. » Donc ils ont déjà, et ça c'est les chiffres de l'OTAN, ok, c'est pas les chiffres qui viennent du côté pro-russe, hein. C'est les chiffres de l'OTAN. On estime que les Russes ont actuellement entre 12 et 13 000 tanks. Je vois les gens arriver en disant, ouais, non, mais d'accord, mais d'abord, de quel tank parle-t-on? Quelle est leur valeur? Est-ce qu'ils sont en état de fonctionner? Oui, d'accord, mais en face, vous avez quoi? Regardez la France. La France, c'est catastrophique. Hein. Ils ont, sur le papier, ils ont à peu près 400 chars Leclerc, sauf que quand tu t'intéresses à ce qui fonctionne en termes de chars Leclerc, ils en ont 200. On est en état de rouler. Et encore, c'était de la chance. Hein. Encore, c'était de la chance. Donc, les mecs te disent, ouais, le Charles Leclerc, super technologie. Bien sûr que c'est la très bonne technologie. Mais le truc, il est hors de prix, et ils n'en ont pas d'autres. C'est-à-dire que pour chaque Leclerc détruit, t'as pas une ligne de production qui peut en produire 1, 2, 3, 4 derrière. C'est l'état aujourd'hui de la production d'armement en France. Il n'y a pas de tank. C'est-à-dire, il faut comprendre ça. Les Allemands peuvent à la limite produire des tanks, mais les Français, non. Ils n'ont pas de modèle alternatif, il n'y a pas de nouveaux tanks prévus pour l'armée française, ils n'ont rien. Les usines de production de Charles Leclerc sont closes depuis 15 ans. Donc si les Français voulaient produire un tank tout de suite maintenant, il faudrait reproduire du Leclerc tout de suite. Tu ne peux pas produire un tank maintenant, il te faut 10 ans de recherche et développement pour pouvoir en produire un. Oui, mais c'est ce que je dis, c'est-à-dire que si ils voulaient un tank tout de suite utilisable, il faudrait produire du Leclerc, c'est-à-dire avec des plans, un truc éprouvé qu'ils ont, c'est-à-dire qu'il faudrait rouvrir les lignes, etc. Ils n'ont rien, et puis tu vois les Français, ils sont là, Macron il est bien anti, il fait ses déclarations, mais en gros, il bouge pas, quoi, je veux dire, il ne se passe rien au niveau de la production. Donc, c'est pas sérieux, tu ne peux pas prendre des gens comme ça au sérieux. Et j'ai vu les déclarations qui viennent encore de Moscou, qui répondent à ce qu'a dit Macron à Munich, là, parce que Macron, il s'est donné en spectacle, il s'est rendu sur place pour faire ses déclarations, et il a dit, alors il a voulu encore une fois ménager la chèvre et le chou, à sa façon, mais en fait, c'est la meilleure façon de mettre tout le monde en colère. C'est-à-dire qu'il a dit, il faut vaincre la Russie, mais il ne faut pas l'écraser. D'accord. Non, alors ça, c'est la meilleure façon de mettre tout le monde en colère. C'est-à-dire qu'évidemment, les Ukrainiens, les Polonais, les Américains, les Britanniques, eux, ils veulent rien entendre. Ils veulent détruire la Russie. Soros l'a dit, c'est clair, c'est le projet des Juifs. On détruit l'État russe. C'est pas... on les bat... Oh, excuse-moi, Gandalf, mais quand tu dis c'est le projet des Juifs, moi, il y a une chose que je remarque. T'as Netanyahou qui est revenu aux manettes en Israël. Et je m'étais dit, si Netanyahou revient aux manettes en Israël, les Israéliens vont y aller plein pot et ils vont fournir tout ce qu'ils peuvent fournir comme matériel aux Ukrainiens. Eh bien, figure-toi que c'est pas ce qui se passe. Ils fournissent des trucs, hein, mais ils fournissent des trucs qui sont complètement ridicules. Donc, oui. Il est clair que Israël n'a pas l'intention d'aider les Ukrainiens. Alors, oui, alors c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont peur que les Russes donnent des armes sophistiqués aux Iraniens. C'est ça qui... C'est pas du tout une question de... Ils jouent sur les deux tableaux, comme toujours. Donc c'est ça qui retient la main des Israéliens, c'est que les Juifs de Washington leur demandent de fournir de l'armement, et les Juifs de Jérusalem leur disent « D'accord, mais si on fait ça, les Iraniens vont nous assaisonner avec du matériel russe. Ils vont armer les Arabes, ça va devenir bizarre. Et voyez, ça peut craindre un peu pour notre gueule ici. Donc on ne peut pas peut-être totalement vous faire profiter de nos innovations à nous qu'on a développées dans notre zone de désert. » là. Et c'est ça qui explique en fait pourquoi les Israéliens sont un peu timides. Mais la pression de leurs grands cousins de Washington est telle qu'ils ne vont pas pouvoir se défiler très très longtemps. Tu vois, au bout d'un moment, on va leur dire « Non mais les gars, de toute façon, ça va mal se terminer, il va falloir que vous soyez de la partie aussi. » Mais ils essaient de jouer sur les deux tableaux, comme toujours, hein, avec ces gens. Mais enfin bon, vous avez vu que quand on regarde les Français, ils n'ont pas ce qu'il faut, et les Russes, eux, ils sont sérieux dans leur effort de guerre, et là, ils vont produire des milliers de tanks. Alors, ils en ont 12 000 officiellement. Discutez ce que vous voulez sur la qualité des tanks, on s'en fout. Ils vont en produire des milliers supplémentaires. Mais les Ukrainiens, ils n'ont rien pour compenser ça. C'est ce qu'ils nous disent, tous les autres, avec leur livraison d'armes. Ils n'ont rien pour avaler ça. Les Russes foutent en l'air leurs usines d'armement dans tous les sens. Ils n'arrivent pas. Donc, s'il faut produire pour l'Ukraine, il faut produire en dehors de l'Ukraine. Donc, c'est pour ça qu'ils exigent les léopards. C'est pour ça qu'ils ont volé, que les Juifs ont volé les léopards des Allemands, en leur tordant le bras. C'est ce qui s'est passé ces dernières semaines. On a volé les Allemands de leurs tanks. Hein. Ceux qu'ils avaient aussi vendus... à tous les partenaires de l'OTAN, c'était ça le but, hein. On leur a détourné. Bon, c'est bien gentil, il va falloir les faire fonctionner, mais il y a combien de tanks en théorie disponibles dans la totalité de l'OTAN, de tanks allemands, Léopard 1, Léopard 2? Il y en a, mis bout à bout, 2000. Et encore, 2000, c'est sur le papier, c'est pas ceux qui roulent. Hein. Donc, il y en a 2000. Mais les Russes, ils vont les foutre en l'air. Donc... Mais non seulement ça, mais en plus, le gros problème, c'est qu'il faut les acheminer en Ukraine. Alors, le pont qui reliait la Roumanie à l'Ukraine via Odessa vient bizarrement de sauter, on se demande bien pourquoi. Et il reste encore un tunnel du côté de la Pologne à qui, manifestement, il va arriver des carabistouilles. Je sens qu'il va y avoir une blague. Donc, ils vont faire quoi? Ils vont les envoyer, ils vont les parachuter au-dessus de l'Ukraine. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais au niveau de l'approvisionnement, ça va être vachement compliqué. En tout cas, je veux dire, avec les déclarations comme Soros, les déclarations que font les Polonais, récemment, le gouvernement polonais a publiquement, on en avait parlé dans la dernière émission, a publiquement dit on veut démanteler la Russie. Mettez-vous dans la tête, mettez-vous dans la tête d'un responsable russe, d'un ministre russe ou d'un homme politique russe ou simplement d'un russe. Vous voyez les Polonais, vous voyez Soros, vous voyez l'OTAN, tous ces mecs-là vous disent... L'Ukraine, c'est juste l'apéritif. On vient vers vous, on va démanteler votre pays. Vous faites quoi? Vous faites quoi? C'est ça qui est fou au plan psychologique. C'est-à-dire que c'est sûr qu'on veut... Enfin, si on voulait pousser les Russes à la mobilisation totale, c'est ce qu'il faudrait faire. Et les Russes ont pris très au sérieux Paradoxalement, l'opinion publique occidentale n'a pas l'air de prendre très au sérieux les déclarations de ses propres dirigeants, mais les Russes prennent très au sérieux les déclarations des dirigeants occidentaux. Donc quand on leur dit « on va démanteler votre pays », les Russes disent « d'accord, c'est vos déclarations, donc on considère que c'est un projet, donc on va réagir en fonction de votre projet ». Et les clowns de Bruxelles, les tocards de bureaucrates, eux, en fait, ils ont l'habitude de répéter les consignes de Washington sans réfléchir. Ils se disent « est-ce que ça fait bien sur Twitter ou quoi ?» Mais ils se disent pas « non, mais c'est censé être une politique réelle, avec des implications ». Ils sont pas habitués à mettre leur peau au bout de ce qu'ils disent. Donc ils s'en foutent, ils répètent constamment les consignes. Ils ont face à eux des gens qui ont leur peau maintenant en jeu. D'accord ? On a dit « on va démanteler votre pays, on va détruire votre pays ». D'une. Vos dirigeants, on va les traîner dans des tribunaux, on va les condamner sur le mode de Nuremberg. Les Russes vont faire quoi ? Ils vont se battre jusqu'au dernier. C'est sûr. Ils vont se battre jusqu'au dernier. Ils vont produire des tanks avec tout ce qu'ils ont. Mais les mecs disent, oui, ils récupèrent des machines à laver pour les puces électroniques. On s'en fout de savoir ça. Mais moi, si je voyais ça, je me dirais, je serais très inquiet de voir ça. Ça veut dire que les Russes, si jamais c'était vrai, leur tenue, ils disent, ouais, vous avez vu, ils récupèrent tous les... Mais c'est très inquiétant, parce que ça veut dire que les mecs d'en face sont extraordinairement déterminés. Ils sont prêts à tout récupérer pour poursuivre le combat. C'est très dangereux de voir des trucs comme ça. Donc faites gaffe à ce que dit votre propre propagande. Parce que ça peut décrire une réalité qui contredit totalement vos présupposés. Et moi je dis que les Russes, ils sont totalement déterminés à gagner cette guerre. Absolument et totalement. Les Russes, pour eux, c'est une guerre existentielle. Ils vont la mener jusqu'au bout. Faut pas que les gens s'imaginent autre chose. D'abord, les Français, ils ont rien compris, ils parlent de leur retraite, ils ont rien vu de ce qui est en train de se passer. En Europe de l'Ouest, d'une manière générale, ils sont justement à l'Ouest, ils ont rien compris. Les Russes, là, ils jouent leur peau, ils arrivent avec du matériel produit à très grande échelle, que les gens n'ont pas une seconde, les unités d'armement russes, là, j'ose même pas imaginer les commandes qu'ils font. Les Russes arrivent. Ils arrivent. Ils en ont mobilisé 300 000, ça c'est même pas la, c'est juste le début ça. Ils arrivent. Quand ils en auront terminé avec l'Ukraine, ils passeront à la phase suivante. C'est sûr. C'est sûr. Ils étaient partis sur autre chose les Russes au départ. Ils avaient voulu tracer une ligne dans le sable en disant bon maintenant ça s'arrête. L'Occident et les extrémistes à la tête de l'Occident ont décidé de les provoquer à mort. Maintenant, les Russes, ils ont changé d'état d'esprit. Maintenant, ils vont aller aussi loin qu'ils peuvent à l'Ouest. Et ils ont raison. Quand tu cherches un mec et que tu lui dis « je vais te tuer, je vais tuer ta famille, je vais ravager ton pays, si je gagne, t'es un homme mort », le mec qui te répond, il te dit, et c'est très logique, « si je m'en sors, c'est moi qui vais m'occuper de ton cas ». On a laissé nos dirigeants faire ça. On les a laissés faire. On était là, hein, hilar, vous avez vu Macron On est gouverné par des balais à chiottes. On les a laissés faire n'importe quoi. D'abord avec nos vies dans nos propres pays, ensuite avec d'autres pays. On n'a jamais bronché, parce qu'on ne s'est jamais senti concerné. Maintenant, on va être concerné. Les Russes vont s'occuper de notre gueule. Et ils ne vont pas faire le détail, parce que moi, je suis pro-russe, mais ils ne vont pas faire le détail. Ils vont pas dire il y a des gens bien en Occident, mais il faut faire le tri. Non, ils ne vont pas faire le tri. Quand nos dirigeants ne font pas le tri dans leur population, croyez-moi bien qu'ils ne vont pas faire le tri chez la nôtre. Et ça, je suis désolé, c'est la psychologie de base. Si tu veux pas que ça se termine mal, au départ, tu ne crées pas un conflit. On a créé un conflit. Voilà. Vous voyez ? C'est ça. Évidemment, on n'entendra jamais ça. Donc, c'est très mal engagé, ce qui se passe. Et d'ailleurs, si tu permets, Gandalf, pour rajouter, effectivement, c'est la notion même d'escalade dans le conflit, c'est-à-dire que plus on va loin, ne serait-ce que dans nos déclarations, comme tu le dis, les Russes nous prennent au sérieux dans nos déclarations. Enfin, quand je dis nos déclarations, c'est les déclarations des dirigeants occidentaux. Et d'ailleurs, sur ce sujet, je voudrais rajouter que il faut quand même amener une petite nuance, c'est que dans les Occidentaux, il y a l'Europe, il y a les États-Unis. Les États-Unis ne prêtent pas de risque. L'Europe prend un risque conséquent. C'est l'Europe qui va être le terrain de la guerre et c'est l'Europe qui qui prendra tout le poids de la guerre, tous les malheurs de la guerre. Et vous pouvez être sûr que nos fameux dirigeants dès que le risque aura un petit peu trop augmenté, ils seront dans l'avion pour les États-Unis. Ils nous auront oublié. Ils nous diront bonne chance avec le merger qu'on vient de vous mettre dans les pattes. Et ça, disons que ça va être. En fait, ce sera pour nous. Là où en fait, j'en reviens à ce que tu disais, hein, c'est que. Ils font des belles déclarations, oui, on va augmenter notre effort de guerre, oui, on va fournir de plus en plus de tanks, des missiles, etc. Mais on oublie certaines choses, c'est que déjà, ils disent oui, on va fournir les tanks, ils disent pas la temporalité, c'est-à-dire que c'est un effort qui va se faire dans des mois. D'ici là, comme l'a très bien dit Diabolix, et comme tu l'as aussi dit, les Russes se seront armés pour répondre à ces menaces. Ils hésiteront même plus à flinguer un train venant de l'OTAN pour détruire les tanks ou l'armement qui aura à peine mis un pied sur le sol ukrainien. Alors déjà que les Ukrainiens n'arrivent pas à tenir la cadence au niveau obus, on n'arrive pas, même l'Occident n'arrive pas à les fournir assez vite par rapport à ce que la Russie leur fait tomber dessus. Je vois vraiment pas comment, en fait, avec toutes ces déclarations et avec ces soi-disant aides qu'on leur envoie, ils vont pouvoir résister contre le Russe qui, lui, tu l'as très bien dit, est motivé, sait pourquoi il se bat et sait jusqu'à où il ira, ou alors s'il ne sait pas, il ira au maximum. Et ça, c'est une certitude. Je reviens sur les pertes d'ailleurs, c'est que certains, alors les estimations varient beaucoup. Moi, pour des estimations à peu près sérieuses que j'ai vues, c'est qu'en fait, on est dans un rapport de 1 pour 3, un mort russe pour 3 morts ukrainiens, et que c'est grosso modo aussi le rapport dans ce que l'artillerie russe fait tomber sur l'Ukraine par rapport à ce que l'Ukraine peut faire tomber sur les Russes. C'est là où on voit d'ailleurs toute l'importance en fait du matériel que la Russie a, et va continuer à avoir, et que dont l'Ukraine manque, et va continuer à en manquer au fur et à mesure que la Russie avancera. Diabolix, tu as suivi comme moi, et comme Nogaret, les développements autour de la Moldavie. Donc on a vu de l'agitation cette semaine en Moldavie. Je vais résumer très brièvement pour nos auditeurs la situation. Zelensky a transmis ce qu'il a présenté comme étant des documents d'origine russe qui détailleraient le plan de Moscou pour déstabiliser la Moldavie, fomenter un coup d'État, pour mettre au pouvoir à Kishino des pro-russes. Bon, ça, c'est le point de départ. Rapport immédiatement cité comme pièce à conviction par l'actuel chef de la Moldavie, qui est Maia Sandu, soutenu à bout de bras, politiquement, financièrement, militairement, enfin bon, il n'y a pas d'armée, pour ainsi dire, en Moldavie, mais bon, tu comprends ce que je veux dire, par l'Union Européenne, par l'OTAN, par les États-Unis, pour dire, au secours, la Moldavie est en danger, les Russes préparent un coup d'État, etc. Ce qui fait suite à toute une série de manifestations, depuis des mois et des mois, septembre déjà, 2022, il y avait des manifestations importantes, contre son gouvernement, sur fond de tensions économiques avec le coût de l'énergie, etc. Et on a vu von der Leyen voler au secours donc de Maia Sandu, avec évidemment des centaines de millions d'euros offerts à son gouvernement au titre du soutien à son économie pour cause d'augmentation du coût de l'énergie, après avoir accusé bien sûr la Russie d'en être à l'origine, ce qui est quand même fort, parce qu'on met des sanctions sur la Russie, on fait tout pour mettre en l'air le secteur énergétique russe, et ensuite on se plaint des conséquences de cette politique, en accusant les Russes d'en être à l'origine. Et voilà, donc Von der Leyen l'a soutenu. Cette semaine, la même Sandnou a rencontré le juif Blinken à la tête de la diplomatie étrangère américaine, qui a, donc Sandnou l'a copieusement remercié de l'avoir arrosé de fric dans tous les sens et d'avoir maintenu en fait son régime à bout de bras à l'abri d'une révolution. Et on a vu Macron aussi, lorsqu'il était à Munich, dire tout le bien qu'il pensait de cette Sandnou en disant que c'était leur femme hein, sur place et que la Moldavie avait vocation à rejoindre l'Union européenne dans les plus brefs délais. Hein, c'est ce qu'il a expliqué aussi. Et je note d'ailleurs, pour parler de Munich brièvement, vous savez, on cite souvent la rencontre de Munich en 1938 entre Adolf Hitler, Mussolini, Chamberlain et Daladier. Et là, j'ai l'impression que c'est le Munich à l'envers. C'est le Munich démocratie à l'envers. Et comme quoi l'histoire est facétieuse. Et je crois qu'il se prépare quelque chose. Le fait qu'ils se retrouvent tous à la veille d'une grande guerre à Munich, pensant préparer la victoire, mais en fait préparant leur propre enterrement de première classe, semble assez intéressant. Et donc, Macron a cité Sandnou comme étant vraiment la personne à soutenir absolument en ce moment. Alors, donc, comment dirais-je, cher Diabolix, on a une Sandnou qui a fait cette déclaration absolument incroyable ces derniers jours. Elle explique donc que le peuple moldave est hostile à l'adhésion de la Moldavie à l'OTAN et à une coopération étroite avec l'OTAN. Donc c'est ce qu'elle dit, elle dit voilà, le peuple est contre. Voilà, le peuple est contre, mais elle dit, elle poursuit d'emblée en disant « c'est le fruit d'une campagne de désinformation russe ». Sous-entendu, le peuple est con, il s'est fait abuser par Moscou. Il faut que nous veillions à notre sécurité et à la sécurité de la Moldavie, poursuit-elle. Et là, elle se met à rencontrer Blinken et toute la clique, et on a vu aussi récemment la juive Nuland, qui a brillé de sa présence sur le Maïdan en 2014, hein, qui est en fait la juive pratiquement en charge de la révolution en Ukraine, apporter son soutien à la Moldavie en coulisses. Donc, bon, il y a l'air d'avoir quelque chose qui se prépare dans la région moldave. On sait aussi que la même Sandnou a accusé la Russie d'avoir fait voler des missiles au-dessus de son territoire il y a une dizaine de jours. Il y a un pont qui relie, je crois, l'Ukraine, la Moldavie, très important, qui a sauté, etc. Donc j'aimerais, et nos auditeurs seraient très curieux d'avoir ton point de vue sur la situation en Moldavie. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce qu'il se passe rien? Parce que non, la Moldavie, rien du tout, il n'y a rien à regarder de près là-bas. Parce qu'il y a la Transnistrie jusqu'à côté, hein, qui est une enclave russe, protégée par l'armée russe. Est-ce que quelque part l'OTAN, le juif Zelensky et leurs fantoches en Moldavie ne seraient pas tentés d'essayer d'éradiquer la présence russe en Transnistrie? Est-ce que tu penses que c'est possible? Est-ce que tu penses qu'il serait assez fou pour le tenter? Est-ce que tu vois que quelque chose se passe dans ce secteur-là? Alors, il faut savoir que à partir du moment où l'Europe est devenue un gigantesque asile psychiatrique à ciel ouvert, tout est possible, absolument tout. Bon, maintenant, il faut bien comprendre une chose. La Moldavie, c'est un État qui a été constitué à cause du pacte von Ribbentrop-Molotov, qui a donné la Moldavie à l'Union soviétique. Nos petits copains roumains ont de par ce fait perdu la zone qu'ils appellent la Bessarabie, et ils voudraient la récupérer. Alors, ça me fait énormément marrer parce que ça équivaut à dire à un État souverain qui bat sa monnaie, qui vote ses lois, chers amis, la Seconde Guerre mondiale est terminée, redevenez une province roumaine. Ben non, si tu es un État, si tu bats ta monnaie et si tu votes tes lois, si tu as un siège aux Nations Unies, tu vas pas laisser tomber tout ça pour redevenir un département. C'est complètement débile. Mais ça, c'est du grand fantasme roumain. Précisons les choses, parce que pour nos auditeurs qui ne savent pas, donc toi tu dis en fait, donc il faut savoir qu'en Moldavie, il y a beaucoup de Moldaves en fait, qui sont des Roumains ethniques et qui détiennent le passeport roumain. Mais tu dis, nonobstant leur affiliation ethnique, pour eux, en tant que Moldaves, il est infiniment préférable, enfin leur position actuelle est infiniment préférable parce que ils sont un État reconnu dans le monde entier, ils ont une présence à l'ONU, etc., avec tous les avantages que ça a, plutôt que de revenir, en fait, effectivement, comme tu le dis, quelques départements de la Roumanie et de disparaître de la carte. Donc tu dis, c'est ça qui, c'est là où ça bloque, en fait. Voilà, c'est là où ça bloque. Alors, la Roumanie a été très généreuse, c'est-à-dire qu'elle a distribué des passeports roumains aux Moldaves qui ne sont pas dans l'Union européenne, ce qui a permis, dans un premier temps, à la totalité de la mafia moldave d'envahir l'Europe pour pouvoir faire des exactions à gauche, à droite, et aux jeunes Moldaves d'aller travailler dans les bordels de toute l'Union européenne. Bon, reste le problème de la Transnistrie. Le problème de la Transnistrie est un problème sans en être un. C'est-à-dire que on a dit aux Russes « nous sommes un pays indépendant, foutez le camp ». Les Russes ont dit « attendez une petite seconde, la Transnistrie, ça n'a rien à voir avec l'accord von Ribbentrop-Molotov, c'est quelque chose qui date de Catherine II et même peut-être probablement avant, on est chez nous et on y reste ». Donc, à l'époque, ce qu'ils ont fait, ben, ils ont fait sauter les ponts, ils se sont battus, ils avaient des réserves militaires assez considérables, et la Moldavie a perdu sa guerre. Ils peuvent effectivement, d'un côté avec nos petits copains ukrainiens, essayer d'attaquer la Transnistrie, et de l'autre, avec l'armée roumaine, rentrer en Moldavie et décider d'attaquer la Transnistrie. Les actes suicidaires, je crois que c'était la dame de fer Margaret Thatcher qui disait la chose suivante: le suicide est un choix, vous pouvez vous suicider, mais ce n'est pas un chantage, c'est pas un argument de chantage. Donc la situation, elle est très simple, les Russes sont des joueurs d'échecs, ils prévoient toujours tout, et je peux vous assurer, les gars, que l'option qui est sur la table est prévue depuis longtemps et que la riposte est prévue aussi depuis longtemps. N'oubliez pas qu'en mer Noire, où l'Europe n'a aucun accès, parce que la Turquie a levé le, comment dire, le joker du traité de, je ne sais plus quelle ville de Suisse, il ne peut plus y avoir en mer Noire de bâtiments de guerre n'appartenant pas à un pays bordant cette mer Noire. Donc l'OTAN ne peut pas intervenir. On ne peut pas y envoyer le Charles de Gaulle. C'est terminé. Oui, mais donc, comment dire, principe... la Turquie est membre de l'OTAN. Il n'y a pas une flotte d'un État européen membre de l'OTAN qui peut mouiller dans un port de l'OTAN puisque la Turquie est membre de l'OTAN ? Non. Le traité que les Turcs appliquent interdit formellement à tout bateau de guerre n'étant pas un bateau... D'un des pays de la mer Noire d'y séjourner. C'est interdit. C'est-à-dire que l'OTAN n'a absolument pas accès à la mer Noire. Et il faut bien se rendre compte que si les Ukrainiens se décidaient à vouloir chercher des poux à la Transnistrie, ils se retrouveraient avec un barrage de missiles comme ils en ont rarement vu dans l'histoire de l'humanité. Et tout ça, ça viendrait directement de la mer Noire, gratuit, sans aucun problème. C'est cadeau. De plus, la Transnistrie a son armée et ils ont du matériel de réserve sans aucun problème. Il y a un dépôt de munitions qui est à quelque chose comme un kilomètre ou quelque chose du genre de la frontière ukrainienne. Le dépôt mune est complètement miné. Et si manifestement il venait à tomber entre les mains des Ukrainiens, il sauterait. Donc de toute façon, c'est une opération où personne ne gagnera quoi que ce soit. Par contre, la riposte sera foudroyante, ça c'est très clair. Et ça engagera le fait que les amis de la Transnistrie, qui sont en Europe, automatiquement considéreront leur gouvernement, leur État, leur police, leur armée, comme des ennemis reconnus avec certitude et à traiter comme tels. C'est-à-dire que dans un cas comme celui-là, il va y avoir des petites opérations particulièrement sympathiques qui seront... particulièrement gênante. Ça, c'est clair comme de l'eau de roche. Donc, s'ils veulent s'attaquer à la Transnistrie, qu'ils s'y attaquent, mais dans ce cas-là, qu'ils ne viennent pas se plaindre quant à la suite des événements. Diabolix, l'accord dont tu parlais, c'est... C'est le traité de Montreux. Alors, mais du coup, pourquoi toute cette agitation encouragée par les États-Unis au plus haut niveau, parce que la Moldavie, c'est quand même un petit État, et obtenir une rencontre en vis-à-vis cette semaine avec Blinken a une portée importante. Ça n'est pas juste une convention. Il y a un message qui est adressé à la Russie. Tu ne vois pas... Non, mais là, attends. Tu penses qu'il n'y a pas de provocation qui se prépare? Tu te dis pas... C'est une portée importante pour qui, Gandalf? Encore une fois, c'est du nombrilisme européen et américain. Il faut bien se rendre compte que Maya Sandu, elle est le cul entre deux chaises. D'abord, elle a été élue avec une extrême minorité. Ensuite, Chisinau, il faut bien se rendre compte d'une chose. La Moldavie, tu as 50% de la population qui est largement pro-russe. Parce que quand il y a eu la crise économique en Moldavie qui a touché le pays où c'était véritablement la catastrophe, les gens sont allés travailler où ? Ils sont allés travailler à Moscou, puisque personne ne voulait des Moldaves, puisqu'ils n'étaient pas dans l'Union européenne. Donc, le seul échappatoire financier qu'ils avaient pour pouvoir gagner leur vie, c'était les Russes et les Ukrainiens. Les Ukrainiens, ça payait très mal et ils se faisaient voler. Donc, ils sont tous allés en Russie et ils ont tous développé des business en Russie. Donc, la mère Sandu, elle veut absolument appliquer les normes européennes, faire rentrer son pays dans l'Union, en oubliant une chose, c'est que son peuple n'est pas d'accord parce que son peuple a vécu la crise. Son peuple a véritablement crevé de faim et ils savent très bien, par expérience, que ça n'a jamais été l'Europe qui leur a rapporté du pognon. Pour te donner une idée, à un certain moment, ils étaient tellement emmerdés au niveau européen qu'ils ont été envoyés le prince de Monaco pour aller expliquer que c'était très bien de vouloir être européen, mais alors il fallait choisir. C'était soit l'Europe, soit les Russes, mais pas les deux. Évidemment, ça a tourné à l'échec, parce que les gens ont parfaitement compris que l'Europe, c'est le paradis du mensonge, et qu'à chaque fois, ils allaient être perdants. Autre point important, à la grande différence de la Roumanie, la Moldavie n'a pas de pétrole, n'a pas de minerai, n'a rien du tout. Elle a de l'agriculture, mais c'est la seule chose qu'elle a. Donc en fait, elle a aucun intérêt économique. Donc, à part le frère russe qui les dépanne quand ils peuvent le faire, ils n'ont pas d'autre échappatoire. Je comprends parfaitement que l'autre connasse de Sandu, elle a son agenda, elle veut sa villa en Californie, mais elle n'est pas près de l'avoir, hein. Ça c'est très clair. Ouais, mais les Russes... Vas-y, regarde, bien sûr. Non, j'allais simplement ajouter, les Russes ont très bien compris l'enjeu, puisque il y a une ou deux semaines de ça, j'ai plus la date exacte, c'est carrément Lavrov, qui est le ministre des Affaires étrangères de la Russie, qui a vu et expliqué que l'Occident était en train de créer une Ukraine numéro 2 autour de la Moldavie, oui. Justement, autour de cette question de la Transnistrie. Oui, ce qui a précipité les accusations contre la Russie. C'est-à-dire que Lavrov a... C'est ça qui est pénible. C'est-à-dire que les Russes disent tout... C'est ça qui est... Je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Diabolik. C'est en fait les Russes, là. Goebbels avait la même ligne de conduite. D'ailleurs, la propagande de Goebbels était extrêmement puissante parce que Goebbels avait édicté une règle de conduite dans tous ses services qui consistait à ne jamais mentir. Donc, c'est étonnant pour ceux qui nous écoutent probablement. Parce qu'on a assimilé Goebbels au mensonge. Il faut assimiler les Juifs au mensonge. Goebbels a toujours expliqué qu'une excellente propagande est une propagande propagande veut simplement dire propager. Vous répandez un message. Il a toujours dit, si vous voulez faire passer un message de manière efficace, vous devez dire la vérité. Les gens ne sont pas idiots. Il y a une connerie lourde dans les masses, mais pas au point de faire avaler pour toujours, pour 10 ans, 100 ans, encore que sur certains sujets, certaines impostures, mais bon. Mais vous devez être précis et vous devez articuler votre truc sur la vérité. C'est la meilleure propagande. Et les alliés, au bout d'un moment, ont été exaspérés, parce qu'ils disaient, mais on n'arrive pas à les prendre la main dans le sac, en train de mentir, et c'est formidablement pénible. Et les Russes, moi je retrouve ça dans la méthode russe aujourd'hui, alors je dis pas que c'est du tout inspiré des national-socialistes, mais c'est clairement pas inspiré des soviétiques. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des trucs quand ils font des références aux nazis, etc., mais c'est pas le sujet. Je veux dire, leur méthodologie de travail est complètement différente, je trouve. Parce que les Russes, sur tous les sujets sérieux, disent la vérité. Je le sais parce que moi j'ai un tropisme pro-russe, mais quand on essaye de me vendre une connerie, je le vois. Et à chaque fois que les Russes disent un truc, c'est vrai. C'est vrai, c'est un fait. C'est-à-dire que le truc est avéré. Gandalf, je ne sais pas si tu as déjà eu l'information, mais en fait, Maria Zakharova a déjà répondu à Madame Sandu. Elle a pris la parole en disant, alors évidemment, bon, chez vous en France, ça prend un certain temps parce qu'il y a les traductions, il faut vérifier les différents trucs. Moi, j'ai eu le document, je crois que c'était hier soir ou ce matin, je ne sais plus exactement. Mais en fait, Madame Zakharova a bien dit la chose suivante. Elle ne comprend pas la hargne anti-russe qu'il y a en ce moment en Moldavie, puisque de toute manière, depuis la création des accords bilatéraux qui ont été signés entre la Russie et la Moldavie, les traités bilatéraux ont toujours été respectés à la lettre et en faveur de la Moldavie en matière économique. Donc dans certains cas, la Russie perdait du pognon pour permettre à la Moldavie d'en gagner. Et tout ça, ce sont des chiffres noirs sur blanc qui sont parfaitement vérifiables. Donc, de nouveau, d'un côté, tu as la mère Sandu qui essaye de vendre sa soupe, et de l'autre, tu as la réalité du terrain. Et cette réalité, il faut bien comprendre une chose. En Moldavie, comme en Roumanie, comme dans la plupart des pays de l'Est, les peuples sont éduqués. Ce sont des gens qui sont proches de la terre, qui sont respectueux de la parole donnée, qui savent lire et qui sont instruits. C'est pas Walt Disney, c'était pas en France, c'était pas en Belgique, c'était pas en Allemagne. Ça veut dire qu'un sou, c'est un sou. Et les gens savent très bien qui leur baise la gueule et qui ne leur baise pas la gueule. C'est ça tout le problème qui se pose en ce moment pour Madame Sandu. Parce que le principe, c'est que d'un côté, tu as des chiffres qui ont été vérifiés et qui ont permis à un peuple de ne pas crever de faim. Et de l'autre, tu as Walt Disney qui vient te dire « Signez avec nous, vous allez être heureux ». Ben ouais, tu parles. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est intéressant ce que tu dis. Alors évidemment, il y a des trucs que la propagande russe répand. Hein. Je dis pas l'inverse. Hein. Mais c'est pas central. Je veux dire, quand je parle de propagande russe, je veux dire sur le passé... Par rapport au passé soviétique, notamment, c'est vrai que la propagande russe essaye d'arranger le truc. Notamment le pacte Ribbentrop-Molotov, par exemple. Mais sur les faits d'actualité, sur l'explication de la réalité et des rapports de force internationaux de notre réalité à nous, de l'actualité de notre époque, la Russie ne ment pas. Et c'est tout à fait remarquable, parce que moi, pour cette raison, quand la diplomatie russe dit quelque chose, en général, je pense ça pour vrai. Parce que j'attends pas sa réaction pour me faire une opinion, et je constate que ce qu'elle dit corrobore ce que moi j'avais déjà conclu sur la base de ce qu'on peut se trouver soi-même. Donc c'est très mais frappant, tu sais, alors que l'Occident ment tout le temps, je veux dire. Ça c'est fou, mais quand tu cherches à t'informer, et que tu vas vers l'Amérique ou la grande, tu sais que tu te fais enculer. Moi, c'est à chaque fois la même chose. C'est-à-dire que c'est pas que je pars du principe que les Américains mentent ou quoi, mais quand ils me donnent une information, je suis là, je dis bon, d'accord, ok, je vais voir. Et à chaque fois, ça colle pas. Il y a un truc, c'est pas vrai, c'est menti, c'est tordu. Il y a un prisme idéologique. Et en fait, ce qui se passe, et ça c'est ma conclusion, c'est qu'il y a une espèce d'inversion délirante par rapport à l'ère soviétique, où le mensonge est complètement passé à l'ouest. C'est-à-dire que maintenant, le mensonge est intégralement à l'ouest, c'est-à-dire qu'ils mentent sur tout, en toutes circonstances, et t'as cette espèce d'îlot qu'on appelle la Russie, où les mecs essayent de dire « Non, non, mais Là, il se passe quand même ça, regardez, c'est factuel, on peut le prouver, si vous regardez vous-même, vous pouvez le constater. Et on leur crache à la gueule. Et je veux dire, tu peux pas ne pas voir, quoi. Tu vois. En fait, et je pense que c'est l'arrogance de la puissance, en fait, je crois. En fait, quand t'es omnipotent, t'as plus besoin de t'emmerder à dire la vérité, en fait, tu vois. Quand t'es omnipotent, quand t'as toute la puissance militaire, économique, etc., pourquoi tu vas te faire chier à dire la vérité? Tu vois, tu mens, tu dis aux gens, de toute façon, bon, c'est nous les plus forts, donc vous faites pas chier à savoir si c'est vrai, si c'est faux, et avaler ce qu'on vous dit. Et voilà, alors que quand t'es le plus faible, bah, au fond, t'as envie quand même de démontrer ta bonne foi, t'as envie de compenser ce que tu perds en puissance par, finalement, un ascendant moral. Donc, t'essayes d'en faire plus sur dans ta démarche éthique, quoi. J'ai l'impression que c'est ça, en fait. Donc, quelque part, mieux vaut être un peu plus faible, un peu plus éthique, qu'un peu trop puissant et être un putain de gangster, quoi, comme c'est le cas aujourd'hui avec l'Amérique. Pourtant, l'Occident a un tas de fact-checkers. Elle devrait avoir la vérité de son côté. Ouais, c'est ça qui est pire, en fait, c'est que c'est tellement évident qu'ils ont raison qu'ils emploient des fact-checkers. Non, mais t'imagines, quand même, quoi. Et pour fact-checker les peuples, pas le pouvoir. Et ça dit tout de ce que c'est l'Occident aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils ont des fact-checkers pour vérifier les faits. Mais pour vérifier les faits émis par qui? Pas le pouvoir, le peuple. Oui, non, mais les gens, ils disent des trucs, c'est faux. Eh, ok, mais est-ce que tu vérifies ce que disent les ministres, qui a fact-checké Soros? Là, Julien Pince, cette espèce de tête de nœud, là. Tu fact-check Soros, espèce d'enculé? Non, tu le fact-check pas, tu fermes ta gueule. Parce qu'à la minute où tu t'amuses à contredire Soros, t'es licencié, mon ami, t'es licencié. T'as plus de carrière. Et en plus, t'as une étiquette antisémite sur la gueule. T'es fini. Les juifs s'assurent que t'es terminé. Donc, pourquoi ils existent? Ils sont portés à bout de bras par les juifs qui en rigolent, en plus de ces goyes à la con, qui leur doivent tout. Ça les amuse. Et ils ont raison. Ils ont raison. Les juifs ont bien raison de s'amuser de la condition de ces goyes de merde qui trahissent leur race. Ben écoutez, si manifestement nous sommes partis pour la troisième guerre mondiale et l'apocalypse thermonucléaire globale, je vous conseille, en tant que mâle alpha, d'aller terminer vos jours à Dachau, dans un merveilleux centre très sympathique avec quelques femelles soumises à s'amuser le temps du flash de l'apocalypse thermonucléaire. La troisième guerre mondiale, messieurs, aura lieu dans un château BDSM à 200 mètres de Dachau. Et ça, personne ne vous l'avait annoncé à l'avance. Vous ne vous y attendiez pas, et c'est pourtant votre réalité. Ça craint sérieusement, et c'est pourtant la réalité. À la semaine prochaine, les amis, on vous en réserve de meilleurs. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.